premier. C'est moi qui parle le premier. D'accord. Je vais présenter le cadre recherche, global de recherche, dans l'écran dans lequel je niche la perle, qui est la thèse de ceci. Bon. Je vais déconner un peu. J'ai peur de tirer les films. Alors, c'est l'occasion de vous raconter quelque chose dans lequel on est tous les deux engagés depuis un certain temps, mais qui est resté assez peu partagé au niveau de l'UMR et de l'Institut, en fait, qui est notre investissement dans un dispositif qui est une plateforme de recherche, plateforme internationale de recherche, qui s'appelle la plateforme internationale de recherche sur la mobilité et l'exclusion sociale. Alors, je vais d'abord vous raconter un peu cette histoire-là, et puis après, je vais vous présenter un petit peu les questions, enfin, quelle est la problématique globale de cette plateforme, et puis la façon dont on décline dans un programme de recherche qui est en fait financé par le Prédit, à partir de maintenant, enfin, on a commencé, pour les deux ans, enfin pour 2011-2012, et qui va être en fait la principale activité de recherche qui va faire que je vais être encore parmi vous les deux années qui viennent, parce qu'en fait on va certainement demander un report de 6 mois, parce qu'ils nous ont eux-mêmes payé avec retard, enfin bon. Et qui est un contrat qui est co-géré par le laboratoire PACT, je vais vous expliquer pourquoi, donc à Grenoble, et pour partie également par l'UMR EVS, et qui notamment servira à financer une demi-année supplémentaire d'allocation en quelque sorte pour Cécile. Alors, c'est l'occasion peut-être de revenir un petit peu sur l'histoire des clusters très rapidement, parce que somme toute, ce qui s'est passé, c'est qu'on est globalement passer largement à côté des clusters de la région Rhône-Alpes, à l'UMR et à l'IUL. Bon, la raison principale, c'est l'incompétence et l'impéritie de Jacques Bonnet, qui n'a rien foutu, et qui a fait qu'on n'était pas dans le coup. Il était en fin de mandat. Je me souviens plus si c'est parti au moment où on était en train de redéfinir l'UMR. Et je crois que c'était à ce moment-là, donc en plus on était en plein barouf. Et donc il s'en est fallu d'un cheveu, et d'ailleurs nous ne sommes qu'un seul cheveu, qui nous rattache à une opération qui est quand même une opération lourde, parce que c'est d'une part des millions d'euros de toute la recherche, du financement de la recherche Rhône-Alpes qui est impliquée dans ces 13 clusters. 14 clusters, oui, excuse-moi. Et d'ailleurs, ouais. Il y en a que deux, il n'y en a pas trois. Donc il y a le cluster 12 en sciences humaines sociales qui s'appelle comment ? Quel spécialiste ? C'est ça. Et puis le cluster 13 peut-être ? Ou 14, 13 ? Culture patrimoine. Culture patrimoine, oui, c'est ça. Alors on est présent en fait dans l'UMR dans deux clusters, le 12 et le 13. Mais on est emmené par deux cheveux. C'est-à-dire, il y a un cheveu qui s'appelle Bernard Gauthier, côté patrimoine, et qui a obtenu des financements et des allocations de recherche en nombre. Enfin, veut dire, lui, il a tiré pas mal d'une bonne poignée de cheveux. Et nous, on a une allocation de recherche au titre du cluster 12, un peu de financement aussi. On aurait pu éventuellement en avoir un deuxième, mais c'était... ça ne justifiait pas véritablement de lancer sur la plateforme dans laquelle on était une deuxième thèse maintenant. Donc, effectivement, la question qui sera à vous poser, c'est quand on arrive à la fin des clusters, donc à mon avis, c'est en train de commencer à rediscuter après l'élection régionale. Donc il va y avoir certainement une nouvelle mise au fond, puisque ces clusters finançaient de la recherche de 2006-2007, de premier budget à 2011, ça, 2010. Ça se finit cette année ? Non, 2011, parce que là, autrement, on serait déjà en plein dans la discussion sur les prochains clusters. Donc ça va démarrer, à mon avis, à la rentrée. La région Rhône-Alpes a toujours financé de la recherche. Bon, ça fait partie de ses compétences qu'elle s'est données, beaucoup financées. Il y a eu toujours une tradition de financement de la recherche en sciences sociales, et notamment il y avait le PPSH, le programme prioritaire en sciences sociales, en sciences humaines, qui a été longtemps piloté par, notamment Marc Bonneville a joué un rôle dans ce dispositif, qui étaient des choses qui étaient pas mal, mais beaucoup moins structurées que ce qui était proposé là. Ensuite, il y avait des appels d'offres, émergence, etc. Paul avait eu un contrat de recherche, la région Rhône-Alpes, dans la période pre-cluster sur planification. Planification. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait quand même du fait dessus. Ouais. Bon, par contre, les clusters, voilà, on est passé à côté. Alors, c'est vrai aussi parce qu'il n'y avait pas d'objet action urbaine, urbanistique, planification, parce que finalement, la région avait redéfini par rapport à ses... par rapport à la fois, dans l'idée, c'est quoi l'économie de la région Rhône-Alpes, et on met de l'argent là où il y a, en fait, c'est ça l'idée du cluster, c'est-à-dire là où ça va déclencher sur la dynamique d'expérimentation, de nouvelles technologies, de choses comme ça quand même pour l'essentiel. Et puis donc, il y avait les deux suppléments d'âme sciences sociales. L'un, parce que quand même, il y a les vice-présidents, on va dire, sociaux, qui ont dit les pauvres, à la campagne, la marginalité, les pauvres. La région s'occupe un peu des pauvres, donc c'est le cluster pauvre. Et puis, développement territorial local, parce que quand même, voilà, le côté aménagement et territoire de la région sera en gros le développement local, plus les pauvres. Et puis, le cluster 13, qui est un cluster ENS. Voilà, en fait, qui était fait pour accueillir l'ENS en réalité, qui n'avait, dont on n'attend strictement aucune retombée, à mon avis. Donc le cluster 12, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été capturé à l'origine, par tous ces clusters ont été capturés par des groupes qui étaient une économie durable, c'est-à-dire il y avait des mandarins qui étaient plus au courant parce qu'ils étaient plus dans le circuit politique. Et donc le cluster 12, il a été capturé par l'IEP de Grenoble. Et en particulier Olivier Hill, qui est le patron du cluster 12. Et comme il avait quand même besoin, le principe du cluster, c'est mettre en réseau toutes les universités de Rhône-Alpes. Donc il a eu quand même besoin de mettre en réseau quelques universités de Rhône-Alpes, donc au début, pratiquement pas. Et en fait, si on s'y est retrouvé, enfin, très clairement, c'est parce que par l'intermédiaire du Labo Pacte Territoire, qui a été sollicité en plein, puisque l'IEP, et c'est son labo, il y a eu des propositions qui marchaient, et à ce moment-là, il y a eu une proposition qui était pilotée par Flo et Sonia Chardonnel, que je connaissais un petit peu, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble à l'espace des temps, et puis qui ont dit, bah, il faut qu'on s'associe, puis finalement... l'UMR est entré en passager clandestin au départ dans cette affaire-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les sociologues de Lyon 2 et de Saint-Étienne ont gueulé en disant c'est pas normal qu'on soit pas dans le coup, donc ils ont eu une demi-carotte. Et puis, grosso modo, cluster 12, c'est ça, non Il y a les juristes de Saint-Étienne. Voilà. Tout le reste, tout le fric, il y a des paquets de fric, et surtout des allocations de. En moyenne, 6 allocations de recherche par an. Donc un pactole. Depuis 2007. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, enfin c'est. Là où il n'y en a plus, enfin c'était vraiment. Bien. Alors, on ne va pas revenir des regrets, des machins, etc. Parce que finalement, j'en ai quand même pas si mal tiré. Bon, deuxièmement, la plateforme de la recherche sur la mobilité et l'exclusion sociale. Maintenant je vais vous livrer un peu un témoignage personnel, puis après je passerai sur le contenu. C'est l'expérience de recherche, une des deux expériences de recherche les plus gratifiantes que j'ai connues ces 10 dernières années, ou même 15 dernières années finalement. L'autre étant le fait de pouvoir travailler avec Eric sur le Liban et ensuite sur l'Allemagne, et celle-là. Et avec deux caractéristiques principales, je vais y aller très clairement, c'est que ça m'a permis de me retrouver dans une position où je me suis très bien retrouvé, c'était de travailler avec des gens plus jeunes, et en même temps, enfin, dans lequel je me trouvais dans une situation de passage de relais, de passage de témoin, ou de parrainage en quelque sorte. Alors c'est particulièrement vrai dans la plateforme de recherche sur la mobilité et l'exclusion sociale. J'ai vraiment adoré travailler dans ce cadre, parce que ça regroupe donc 12 laboratoires de recherche en France, en Suisse et au Québec. Mais ça regroupe surtout deux représentants de ces labos de recherche, que des jeunes chercheurs, dans la force de leur âge de production. C'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, trois, entre guillemets, seniors. Il y avait Martin Vanier qui a disparu au premier jour, enfin qui ne s'est pas du tout impliqué. Il y a Vincent Kaufmann, mais Vincent Kaufmann, il est plus jeune que moi quelque part, enfin il est, voilà. Il n'avait pas la même expérience de la recherche urbaine sur les transports et la mobilité telle que je l'ai connue dans les années 80, quand j'étais jeune chercheur. Et tout le reste était, on va dire, après, bon, des gens qui venaient passer leur HDR comme Sylvie Folle, et puis après, plein de jeunes chercheurs qui venaient passer leur thèse, qui étaient maîtres de conf, chercheurs. Donc beaucoup dans le laboratoire LVMT à Paris-Est, des mouvements, dans lequel il y a beaucoup de chercheurs sur le transport, la mobilité, et, mais aussi donc à PAC, mais aussi au LATS, des collègues québécois, et évidemment le LASUR avec Vincent Kaufmann. Toute la jeune recherche sur le renouvellement de la recherche sur la mobilité, tant que ce soit du point de vue de la compréhension de ce que c'est comme phénomène social et spatial, que de l'analyse des politiques et des nouvelles politiques de mobilité, tout ce qu'il y avait de mieux était réuni là-dedans. Donc c'était vraiment super. Vraiment super. Franchement, il y a certainement des gens très bien à côté, mais on avait vraiment... Donc ça a donné un contexte de travail extrêmement passionnant, de séminaires très riches, dans lequel, avec des grands témoins que j'ai fait revenir du passé, de l'époque ATP socio-économie des transports, comme Nicole Mel de la fin des années 70, j'ai essayé de jouer le rôle de passeur de témoin entre comment on pensait la question sociale par rapport au transport dans les années 70 et comment on la repense aujourd'hui. Puisque c'est bien ça, c'est comment en fait repenser la question sociale dans les politiques de transport et de mobilité et dans l'accès à la ville. Voilà. Alors, voici le positionnement dans les travaux de la plateforme. Cécile va sans doute peut-être les reprendre, je ne sais pas si elle reprend ou pas. Alors, si elle ne les reprend pas, je vais les mettre en place. Les deux choses importantes, c'est qu'en matière de mobilité quotidienne, dans le champ de l'urbain, il y a d'une part, effectivement, une injonction contradictoire très puissante. Et cette injonction contradictoire, elle est la suivante. La mobilité, c'est non seulement un droit, mais quelque part un devoir. C'est-à-dire qu'on t'enjoint à être mobile, à toutes les dimensions du mot mobilité, c'est-à-dire pas seulement de la mobilité quotidienne, mais de ta mobilité professionnelle, mais de travailler par projet, ta mobilité y compris à l'intérieur de ta carrière professionnelle. Mais en particulier d'être mobile, l'exemple le plus frappant qui illustre ça, c'est l'introduction récente dans le droit français, ou dans en tout cas le contexte réglementaire des pôles emploi, le fait qu'une personne ne peut pas refuser trois offres d'emploi qui se situent dans une distance de 30 km de son domicile. Une heure de transport. Voilà. Donc, c'est une injonction à la mobilité, hein, en disant la mobilité n'est pas un frein. Hein, au moins dans ce délai d'une heure, qui est quand même... Bon, voilà, donc, très clairement, ça veut dire qu'il y a cette injonction-là. Et l'autre injonction, c'est ne vous déplacez plus, c'est dangereux pour l'environnement. Puisque, en particulier sous l'angle du déplacement automobile, mais qui est massif et majoritaire dans nos sociétés, c'est dire attention, régulons notre mobilité, limitons notre mobilité, soyons économes de notre mobilité. Donc, voilà, injonction contradictoire, le plus bel exemple d'injonction contradictoire qu'on puisse connaître, et qui est porté par l'action publique, par les politiques publiques, par le cadre législatif. Enfin bon, là on a vraiment quelque chose qui est très fort. Et en fait, cette accumulation d'injonctions légales potentiellement contradictoires, droit au transport, devoir à la mobilité, limiter sa mobilité, développer une mobilité durable, etc., produisent en fait des angles morts des politiques urbaines, mais aussi de la connaissance, donc des impensés autour de la question sociale des inégalités d'accessibilité. C'est-à-dire que les principales victimes de cette double injonction, comme d'habitude, c'est les plus pauvres, les plus fragiles, les plus exclus, puisque c'est ceux qui sont généralement les plus mal desservis en transport en commun, les plus mal équipés en automobile, qui ont les emplois les moins bien desservis en transport collectif, et à qui on enjoint le plus de devoir se déplacer pour cumuler 2-3 jobs à la fois, et tout ceci étant complètement masqué par, je dirais, l'impératif qui est mis avant tout sur la dimension environnementale et durable. Donc on est complètement dans les contradictions de la vie durable, qui est l'axe, on est complètement dedans. Voilà, c'est ça. Alors, la question de la production de la pensée autour de la question sociale et des inégalités d'accessibilité, d'accessibilité spatiale, d'accessibilité aux aménités urbaines, d'accessibilité aux emplois, d'accessibilité à la ville, donc ça se décline, était à la fois très très importante quand on a lancé la plateforme il y a 3 ans, on va dire maintenant, et maintenant on voit que la question commence à arriver sur l'agenda. Ben bon, Cécile en parlera, puisque c'est vraiment son job. Alors, donc ça c'est quelque chose qui commence à bouger. À ceci, c'est rajouté le fait que les politiques de transport et de mobilité elles-mêmes changent. Elles changent de 3 manières, qui sont ce qu'on appelle une individualisation des politiques de transport et de mobilité. C'est-à-dire que l'arrivée d'un nouveau paradigme qui est la gestion individuelle, le fait qu'on soit capable de s'adresser avec des outils innovants, du type central de mobilité ou autre, etc., à chaque individu, pour en fait lui proposer de façon de plus en plus individualisée, mais aussi en matière de tarification, etc., donc de la capacité d'offre de mobilité adaptée à son besoin, et là qui va être particulièrement décliné dans la question des politiques d'insertion par l'emploi, où la question se pose, même si elle n'est pas forcément traitée justement, d'évaluer la demande individuelle, la difficulté à se déplacer, et aussi donc ça c'est le premier point. Deuxième point, passer d'une politique de transport à une politique de mobilité, c'est-à-dire passer une politique, grosso modo, d'offre, même d'offres innovantes, même d'offres de partage de voirie, même d'offres de mode doux, de tramway, de vélo, etc., c'est toujours des politiques d'offre, à des politiques qui portent plutôt sur la mobilisation de la capacité des individus à se déplacer, c'est-à-dire vraiment des politiques de mobilité. Leur capacité, qui peut être liée à des déterminants spatiaux, c'est-à-dire leur localisation, des déterminants résidentiels, des déterminants d'âge, des déterminants sociaux, des déterminants culturels, etc. Donc, la capacité des individus à se déplacer. C'est ça, la politique de mobilité, c'est agir là-dessus. Donc, à l'origine, et sur le contexte des déplacements quotidiens. Puis, dernier élément, mais ça, tout le monde le partage, la territorialisation de l'action, on le retrouve dans ce champ-là comme dans les autres, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus, des dispositifs territorialisés, une montée de la gouvernance urbaine dans ce champ-là, par rapport à un domaine qui était longtemps dominé quand même par l'État, voilà. Alors, l'originalité de la plateforme, c'est qu'en fait, ça a mis ensemble des chercheurs qui travaillaient sur les outils de mesure et d'observation, essentiellement des géographes, économistes, sociologues, et les contenus des politiques urbaines, des urbanistes, politistes, etc., ou sociologues de l'action. C'est-à-dire de mettre moitié-moitié, c'est-à-dire de dire ces différents changements de l'action collective, etc., dans le champ de la mobilité quotidienne, ils interpellent donc les catégories de pensée et d'action, et les conditions de la mise en cohérence de l'action urbaine, puisque finalement, il y a de la cohérence autour de la production d'un pensée, il y a de la cohérence entre des politiques encore très marquées par les routines d'offres de transport, mais des nouvelles politiques qui, elles, sont beaucoup plus agissent sur la capacité, la mobilité, etc. Et donc, la question étant, où est-ce que est pris un peu en compte ces impensés sur la question sociale, les inégalités d'accessibilité, ou comment on peut améliorer cette prise en compte, avec une idée de déboucher sur des outils, enfin, sur des recommandations, quelque part. Puisque les clusters, c'est aussi des recommandations, c'est aussi des débouchés sur une demande sociale. Et donc sur 2 voies qui étaient les outils de mesure d'observation, c'est est-ce qu'on peut adapter les outils de mesure d'observation qui sont en fait des macro-outils, enquête, ménage, déplacement, qui servent surtout à caler des modèles qui servent à mesurer ou à calibrer de l'offre de transport. Et est-ce qu'on peut passer à d'autres outils de connaissance beaucoup plus individualisés de la mobilité, qu'on puisse ensuite agréger par type de mobilité, qui puisse mieux éclairer en quelque sorte la connaissance qu'on a des phénomènes de mobilité. Et deuxièmement, est-ce que le contenu des politiques urbaines, notamment des politiques urbaines innovantes, eh bien ces politiques urbaines innovantes, est-ce qu'elles sont en mesure de répondre à l'enjeu qui est prendre en compte la question sociale, les inégalités d'accessibilité qui naissent de la double injonction. Alors, c'est... ça je passe là-dessus. En fait, Bon, là, on va aller directement sur le sur les terrains, mais la plateforme en elle-même, elle travaille sur plusieurs plans, c'est-à-dire c'est un travail de mise en commun. Donc il y a un travail qui est un travail de généalogie, par exemple, c'est-à-dire comment on est passé des politiques de transport aux politiques de mobilité, est-ce que tout ceci est synchrone ou pas, comment la recherche, qui a été importante dans le domaine de la socio-économie, de la mobilité, a-t-elle percolé dans les dispositifs d'action publique par le prédit, par exemple, ou pas. Donc une dimension un peu généalogique du vrai faux passage à des politiques de mobilité, où est-ce qu'on est encore sur des routines très fortes aux politiques de transport. Il y a un travail qui consiste à aller interroger des nouvelles catégories de pensée, comme par exemple la notion de motilité, qui était l'apport principal en sociologie de Vincent Kaufmann, pour dire est-ce que c'est opérationnel, est-ce qu'on peut s'en servir en dehors du champ de la sociologie, enfin bon, ce genre de choses. Il y a de la production de contenu avec des thèses. Donc une thèse qui était côté amélioration des outils de connaissance de la mobilité, c'est le thème Camilla Tabaka, et une thèse sur les politiques urbaines innovantes en matière de mobilité, politique temporelle, politique d'insertion par l'emploi en particulier, et c'est la thèse de Cécile. Et puis il y a d'autres apports comme ça. En fait, l'idée, c'est d'essayer de faire un colloque et un bouquin qui réunissent un petit peu, je dirais, le caractère innovant de rapproché, les approches par la connaissance des outils, l'amélioration des outils pour mieux servir l'action, et des gens qui travaillent sur l'action et qui se posent des questions d'impensée, de dimension cognitive de cette action, de prise en compte de la question sociale. Alors à partir de là, la plateforme s'est dit qu'il faut aussi se mettre en ordre pour répondre aux appels de recherche, pour qu'on soit... voilà, qui est une production, un dernier type de production, je dirais, collective. On a d'abord affiché une ANR, mais ça paraissait un peu compliqué, surtout que les gens de l'observation venaient de décrocher une ANR ville durable sur justement l'amélioration des outils de la mobilité, donc c'était un peu compliqué d'imaginer, alors qu'on travaillait ensemble, c'était un peu difficile. Et donc finalement, les appels d'offres prédites sont sortis. Il y avait un appel d'offres sur les politiques de transport et de mobilité, et qui était ciblé sur les outils de connaissance. C'est quoi les outils de connaissance? Donc, du coup, comme on pense, on travaille sur des outils de connaissance d'un côté, des dispositifs d'action de l'autre, le plus simple a été de répondre, et effectivement, on a répondu. Le prédit, c'est beaucoup de recherche et expérimentation, c'est-à-dire c'est travailler les terrains des partenaires, ici collectivités locales, ça peut être des entreprises de transport, ce genre de choses. Et donc, en fait, on a répondu avec l'espace des temps du Grand Lyon, avec le Grand Lyon, avec cette recherche-action, évaluation et expérimentation autour de la production de la connaissance des inégalités socio-spatiales de la mobilité quotidienne dans l'agglomération lyonnaise, mieux connue sous le titre de Glamour. C'est-à-dire, Grand Lyon, mobilité urbaine. Grand Lyon, mobilité urbaine, voilà. Donc, inventé. Bon, Glamour. Voilà. Donc, c'est le projet Glamour. Alors, le projet Glamour... Voilà. On retrouve un peu les questions initiales. En quoi et comment la prise en compte des inégalités socio-spatiales à la mobilité quotidienne constitue-t-elle une nouvelle catégorie de pensée et d'action pour les acteurs urbains? Effectivement, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas une façon de penser, ou est-ce qu'on est toujours dans l'impensée dans les nouvelles politiques de mobilité? Comment on essaye de joindre les deux bouts des politiques de mobilité durable déclinées par un PDU, par exemple, et la question sociale que pose le problème de l'injonction à la mobilité? Comment les nouvelles politiques urbaines, et donc on ciblait plus particulièrement les politiques temporelles, les politiques d'insertion, se saisissent-elles des enjeux d'accessibilité et d'inégalité socio-spatiale de mobilité? Et quelles sont les ressources, les outils, les modalités de production de connaissances, mesures de la mobilité quotidienne face à ces enjeux spécifiques? Donc ça, c'est les questions initiales, qui sont celles de la plateforme. Avec deux façons de travailler. Une première, c'est voir comment ça circule, c'est-à-dire est-ce que ces questions, qu'est-ce qu'on produit comme connaissances, nouvelles ou pas nouvelles, au sein des différentes politiques, d'où elles sortent ces nouvelles connaissances? Est-ce qu'elles sont produites par des appareils d'État, comme les enquêtes ménagères de placement, ou au contraire par des micro-diagnostics portés par des bureaux d'études privées ou par de l'innovation localisée, etc. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler ici des PDE, mais bon, voilà, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Où ça se passe? En gros, grosso modo, où est-ce qu'on arrive à croiser, on va dire, dimension socio-spatiale de la mobilité au regard des modes de vie et des inégalités d'accès aux lieux d'emploi en particulier, puisque toutes les inégalités socio-spatiales pouvaient être prises en compte, mais là on s'est centré sur l'inégalité d'accès aux lieux d'emploi, qui nous paraissait la question la plus cruciale. Et puis, le deuxième axe d'investigation, c'était en fait faire une expérimentation, une recherche expérimentation. Ça, c'est pour les spécialistes de la mesure. Donc, utiliser tous les apports, notamment la time géographie, pour expérimenter une exploitation secondaire, bon, c'est pas dit exactement ici, je dis un peu plus loin, on va revenir, des enquêtes ménagers placement, pour revenir aux données individuelles, pour faire des programmes d'activité à partir de ces données individuelles, et à partir de là, de bâtir des typologies, en fait, d'actifs, et de leurs difficultés, leur capacité à se déplacer, leur choix de déplacement et les difficultés qu'ils rencontrent, pour proposer des outils, en fait, de pilotage et de connaissances adaptés à ces politiques temporelles ou d'insertion, etc. Si l'idée, c'est de dire, bah, écoutez, vous dépensez combien de millions d'euros, c'est combien, donc, être réalisé ? Un ou deux millions d'euros. Pour sortir un chiffre qui est la part modale du transport en commun et de la voiture, d'accord, 2 millions d'euros pour ça, ça serait peut-être plus intelligent de voir si on ne peut pas faire quelque chose avec. Il n'y a rien d'autre qui sort, hein, pratiquement. Enfin, si l'agence d'urbanisme lit des trucs que personne ne lit, bon, enfin, sauf nous, mais bon, voilà, je veux dire, c'est suivi de PDU, tous ces trucs-là, ça ne marche pas bien, enfin bon, on voit bien qu'il y a une sous-exploitation monstrueuse de ces énormes outils qui ont été inventés par l'État, qui maintenant sont payés par les collectivités locales, les AOT, mais qui sont toujours pilotés par l'État au nom de la cohérence des questionnaires. Et qui va se faire aussi au sein des. Voilà, parce qu'il y a une expertise technique très très spécifique de ces trucs-là, que dans les AOT, personne ne sait s'en servir, donc on est dépendant de l'expertise CT, et que, en fait, ce machin, ils ne peuvent pas s'en servir pour leurs propres besoins de pilotage de l'action. Puis les AOT, c'est pas non plus bon, là où il y a plus d'innovation en matière de prise en compte des inégalités socio-spatiales et de gestion individualisée de la demande de mobilité, il faut bien le dire. Même si à terme, c'est leur avenir, au fond. Donc, Glamour, c'est deux terrains d'étude, avec le fait qu'on avait des partenaires qui étaient en demande de recherche-action, en particulier l'espace des temps des services innovants, qui s'appelle comme ça maintenant, et puis la mission insertion et également la mission déplacement, un petit peu en retrait, on va dire. Bon, le Citral, ils acceptent qu'on travaille là-dessus, on va dire. Ils manifestent un intérêt pas débordant pour ce qu'on fait. Mais enfin, on les a mis parce qu'on leur a fait signer une lettre, d'accord. Et puis parce que, bon, bah, c'était un bon contexte, il y avait une EMD récente, donc on pouvait voir justement comment c'était exploité ou pas dans l'action publique. Bon, un bon périmètre avec une échelle métropolitaine, etc. Il y avait une. Oui, parce que le périmètre de l'EMD s'était agrandi à l'échelle métropolitaine, ce qui était assez innovant. Donc là, ça permettait de faire sortir de nouvelles données, et notamment sur des questions justement d'exclusion par l'espace un peu plus forte. Il y a un questionnaire qui avait évolué. Et puis une conjonction de politiques innovantes, évidemment dans le champ des politiques temporelles. C'est quand même un des lieux où on expérimente le plus en matière de politique temporelle dans le domaine de la mobilité, et en particulier avec un outil qui sont les plans de déplacement d'entreprise, et plus particulièrement les plans de déplacement de zones d'activité qui s'appellent les PDIE, dont Lyon est le pionnier, quoi, on va dire, en France, même un peu de manière générale. Et donc là, il y a des dispositifs qui sont très innovants, et dont justement, qui reposent entièrement sur une capacité à connaître la mobilité individuelle des employés, et avoir une approche globale des problèmes de mobilité, qui passe par les questions de stationnement, de logistique, de parc de véhicules à disposition, de véhicules professionnels mis à disposition des personnels, qui posent les questions des temps décalés, enfin bon, toute une série de choses qui se passent. Bon, un PDU, pas forcément très innovant, et puis politique d'insertion, qui se pose de plus en plus la question de comment aider à la mobilité, la mobilité comme frein à l'insertion par l'emploi, en fait. Et donc des politiques spécifiques qui sont mises en place dans ce cadre-là. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que là, après, c'était une présentation qui était sur la recherche, les étapes, les corpus, les machins. Je vais surtout vous présenter la plateforme. Bon, les résultats, donc évaluer les connaissances de mobilité mobilisées par les politiques temporelles et les politiques d'insertion par l'emploi. Donc comment ils mobilisent et d'où viennent ces connaissances, et en particulier, ils ne viennent pas de l'EMD. Produire de nouvelles mesures, donc c'est les deux choses. Ah non, le volet politiste-urbaniste, c'est le 1. Et le volet time géographie, etc., c'est le 2. Produire de nouvelles mesures à partir de l'EMD et des sources de recensement pour caractériser les conditions de mobilité pour l'accès aux emplois de services aux personnes et aux entreprises de faible qualification. Donc l'idée, c'est de travailler sur des profils spécifiques, grosso modo, des femmes d'origine étrangère qui habitent dans des quartiers en difficulté et qui font du service à la personne à l'autre bout de l'agglo. Voilà. Ou éventuellement des déménages dans les zones d'activité et qui, évidemment, avec une offre de transport qui n'est absolument pas adaptée aux horaires, aux localisations, enfin, toutes ces choses-là. Et oui, quand tu fais 2 heures chez Madame Machin, 3 heures, etc. Donc voilà, vraiment le truc le plus merdique du point de vue des besoins de mobilité que tu puisses avoir pour des gens qui n'ont pas de... Et puis donc, du coup, avec cette idée un petit peu retour sur le partenaire, je dirais, collectivité locale, c'est une demande de résultats un peu concrets, c'est-à-dire identifier les manques en termes de connaissances sur la mobilité pour les politiques d'accès à l'emploi dans l'agglomération lyonnaise, donc l'idée d'apporter des éléments de réponse, en quelque sorte, voilà, recherche un peu appliquée dans cette approche. Alors vous voyez, EVS, c'est 3 personnes, avec une faute en plus sur le nom de Cécile, donc, et aussi une faute sur Eman, il n'y a pas de H. Donc Eman Zoubir, qui fait un petit bout de boulot dans le cadre de Glamour, Eman, c'est un doctorant que j'ai en co-direction avec Bruno Feldarcier, que j'ai croisé un peu, c'est un garçon assez discret. En fait, il est surtout dans un bureau d'études qui s'appelle Intermodal, qui a le quasi-monopole des diagnostics et des évaluations et de mise en place des PDIE sur la région lyonnaise, même si maintenant il y a d'autres bureaux d'études qui ont démarché. Et donc, en fait, il est là pour répondre à un autre appel d'offres Glamour, un autre appel d'offres Crédit, auquel on était associés de façon très marginale, Florence et moi, et dans lequel, en fait, c'est surtout Bruno Ferdassi qui va faire le suivi, qui est, grosso modo, ce qu'on a expérimenté dans les zones centrales, type centrale de mobilité, mise à vélo libre-service, tous ces trucs-là, est-ce qu'on peut le faire en périurbain ou dans le péricentral? Mais comme il va travailler sur à la fois améliorer les diagnostics des PDIE et donc la méthodologie de production de connaissances et également la méthodologie d'évaluation ADEME, puisque c'est l'ADEME qui finance ces choses-là, qui n'est pas adaptée, comment on l'adapte à une situation territoriale, à d'autres objectifs que mesurer le nombre de tonnes de carbone, parce que l'ADEME ne s'intéresse qu'à ça, c'est tout traduit en tonnes de carbone. Donc il va travailler là-dessus, il va apporter une contribution précise, qui est de dire c'est quoi cette méthodologie, c'est quoi ces connaissances, comment elles sont construites, et comment elles sont construites dans un jeu d'acteurs, bien sûr. Bon, il y a une équipe PAC Territoire un petit peu plus costaud, avec notamment Sonia Chardonnel, Laure Charleux, André Poyot, etc., qui sont plus vraiment sur le volet expérimentation. Donc ce sont des bêtes de l'analyse des EMD et de l'exploitation cartographique, des cartes spatio-temporelles, enfin c'est... Je ne peux pas vous les présenter parce que j'y connais rien, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, Benjamin Mott et Thomas Thévenin, c'est des partenaires très précieux dans la plateforme. Ils sont associés, je dirais, de façon un petit peu plus indirecte. Théma, c'est le labo commun à Dijon et à Besançon. C'est un labo très quantitativiste. Mais Benjamin et Thomas Thévenin, c'est Thomas, c'est ça ? Thomas Thévenin, se sont fait partie de ces jeunes dont je parle, enfin, vraiment remarquables. Thomas est plutôt du côté économiste, Benjamin c'est plutôt un socio-économie des transports, géo-socio-économie des transports. Bon, c'est l'équipe Orfeuille, enfin tout ça. Ce sont des gens qui ont fait des travaux remarquables sur notamment la mobilité des périurbains, notamment Benjamin Mott qui a fait sa thèse sur c'est quoi les périurbains qui n'ont pas de voiture, comment ils font. Et qui montrent qu'en fait ils ont plein de stratégies pour avoir des voitures en fait. Et qu'ils sont pas si ils sont dépendants de l'automobile, mais ils s'en sortent quand même. Donc plein de résultats contre-intuitifs sur la mobilité périurbaine qui sont tout à fait passionnants. Et aujourd'hui, ils travaillent sur d'autres hypothèses, tant à montrer que les personnes les plus précaires dans le périurbain ont actuellement, pour optimiser leur problème de déplacement, essayent de l'optimiser par des déplacements résidentiels, en passant de la propriété au locatif, sur des secteurs desservis par les transports collectifs. Dans des pôles secondaires, des petites villes. Je ne me souviens pas de ça, bien que Sophie travaille aussi sur les... Ouais, c'était un peu différent, mais bon, c'était pas loin. Bon, effectivement, il y a Sophie Wargan qui est un peu aussi dans le coup. Bon, l'équipe de Kaufmann, bon, elle est dans la plateforme, etc. Bon, ça c'est plus. En fait, les noms que vous avez là, c'est un peu les noms de la plateforme. Hein. On voit le comité scientifique, David Cobel, qui est au CERTUM, qui avait fait cette thèse passionnante sur le Grand Lyon, sur une thèse d'économie des transports, sur les différences d'accessibilité aux aménités urbaines selon les quartiers où l'on habite dans le Grand Lyon, et qui montrait que l'accessibilité par l'automobile, je dis, lissait les différences sociales, c'est-à-dire que l'on soit riche ou pauvre, on avait à peu près pas trop de différence d'accès aux biens et aux services de la ville, et que dès qu'on prenait les transports en commun, c'était catastrophique, c'est-à-dire que là, les inégalités socio-spatiales étaient monstrueuses, c'est-à-dire que les pauvres mettaient 10 fois plus de temps que les riches, et que comme ce sont justement dans ces quartiers-là et ces populations-là qui sont les moins motorisées, bah, voilà. Et ensuite, il testait deux hypothèses qui sont totalement blackoutées au CERTU où il est, c'est-à-dire prendre le plan de déplacement urbain de Lyon et multiplier par 2 ou 4, je ne sais plus, multiplier par 2 les moyens qui étaient prévus en matière d'offres de transport collectif, c'est-à-dire 2 fois plus de lignes de tramway, 2 fois plus de lignes de tout. Donc il prend cette somme-là et regarde si ça améliore les disparités, donc ça améliorerait de 10%. En fait, ça faisait quelques points de minute seulement. Ouais, ça faisait quelques points de minute, voilà. En termes d'accessibilité à ce même panier, à ce même panier bien orient, du fait de l'évolution de la localisation de l'activité entre 90 et 99. En fait, les activités ont tendance à fuir les quartiers les moins favorisés, et donc, en fait, il y aurait une moins bonne accessibilité, malgré l'amélioration de la desserte. Qui va plutôt sur soit les zones centrales, soit effectivement les zones résidentielles de ce type-là, et pas tellement sur les pôles secondaires ou les zones de diffusion de l'activité. Voilà. Et donc, ils prenaient le même argent et ils payaient des voitures à tout le monde, en fait, avec. Et alors là, ben voilà, quoi. Pas de mystère. Là, c'était la vraie politique sociale, c'était d'offrir des voitures aux gens. Autant vous dire que là où il est tout certu... Donc, Caroline Gallès, c'est une fille vraiment remarquable qui travaille sur... l'évolution dans la longue durée des politiques de transport en comparaison internationale des villes. Marianne Teber, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les politiques des communes périurbaines autour de Rennes, la façon dont elles avaient des politiques de transport, en fait, de l'eau. Quel type de politique de transport avaient ces communes périurbaines? Bon, Nicole May, c'est le grand témoin dont je vous ai parlé, qui était, voilà, qui nous relie à Manuel Castells directement par une poignée de main. Gilles de Bizet, bah, il a fait sa thèse sur la nouvelle expertise en matière de transport, mais c'est vrai que maintenant il travaille moins sur ces sujets-là. Arnaud Bano, ça fait partie de ces bêtes qui travaillent sur tout ce qui est analyse de la mobilité avec des outils, enfin des GPS, des machins, des trucs, enfin, c'est assez impressionnant. Marie-Hélène van der Smissen, elle représentait la politique du genre et transport et déplacement sur la question du genre, elle vient de Québec. Donc elle travaille beaucoup sur les inégalités liées au genre par rapport à la mobilité. Mario Gauthier, bah, c'était un collègue de l'Université de Montréal qui maintenant est à l'Université du Québec en Outaouais et qui travaillait plutôt sur le côté planification des politiques de transport. Et Richard Schirmur qui est à l'INRS Urbanisation et qui travaille beaucoup sur la question du déplacement domicile-travail et de la polarisation. C'est ça. Au lieu de partir des zones résidentielles, il analyse à partir de pôles d'emploi. Et en fait, notamment, il montre que le polycentrisme, c'est totalement contre-productif du point de vue notamment de la mobilité durable. Et qu'il vaut mieux avoir qu'un seul pôle d'emploi, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir une hiérarchie de pôles d'emploi, qui va complètement à l'encontre du modèle dominant de la planification urbaine contemporaine. Vous voyez que... Je vous en ai parlé parce qu'en fait, une des caractéristiques de la plateforme de mobilité, c'est le contre-intuitif. Ça, c'est vraiment travailler sur le contre-intuitif. Mais c'est assez logique, puisque finalement, c'est travailler sur des impensés. Donc, qui dit impensé, dit résultat contre-intuitif. Voilà, ça c'était pour vous mettre au courant, en fait, un petit peu de ce qu'on a fait. Bon, avec beaucoup d'enthousiasme de ma part, parce que vraiment, c'était vraiment une super expérience. Alors actuellement donc ça va se terminer en 2011. Donc il y a un livre en chantier. Donc là on va discuter la semaine prochaine de l'architecture définitive du bouquin. Normalement tout le monde a son taf à écrire. Donc essayer de faire un ouvrage qui ne soit pas une collection d'articles, mais vraiment des regards croisés systématiquement entre des gens qui viennent de l'analyse des politiques et de l'analyse de la mobilité. un peu systématiquement. Donc interroger des concepts, interroger de l'histoire, interroger de la production, etc. Voilà. Donc vraiment faire un travail collectif. Et puis un colloque en mars 2011 d'un réseau de chercheurs qui s'appelle MSFS, ça fait tu rire. Ouais. C'est vrai, c'est ça, MFSF. Qui a été nommée en fait au sein de l'association des sociologues langue française. Notamment par Vincent Goldman et Bernard Montieu. Voilà, c'est suisso-belge essentiellement. Et il y a un colloque tous les ans avec une publication du colloque. Et donc la plateforme organise le colloque 2011 autour du thème l'accessibilité à la ville. Ça, hein. Donc voilà les deux productions, il y a les deux thèses et il y a Glamour. Bon, c'est pas mal hein, pour un dispositif de recherche, c'est quand même assez productif. Bon, c'était aussi, encore une fois, pour essayer de dire pourquoi aussi j'avais beaucoup cliqué, enfin, voulu proposer, maintenant je pars, c'est malade, vous proposer les axes de travail en partant, enfin bon, de travailler sur les contradictions de la ville durable, parce que là vraiment, on était en plein dedans. Et quand tu regardes vraiment les politiques qui sont les politiques du type Grenelle, tous ces trucs, etc., finalement, le débat sur la taxe carbone était presque un des seuls moments où politiquement on a commencé à débattre, grâce à ces Golden Royal, il faut bien le dire, des ruraux pauvres dépendants de la voiture et qui allaient payer la taxe carbone et donc être en situation d'inéquité parce qu'ils étaient contraints à une mobilité automobile. Jusqu'à présent, la mobilité automobile, c'est quand même l'ennemi, quoi qu'il arrive, et la question sociale, la dépendance sociale automobile, toutes ces questions-là. Ça a changé aussi juste un an avant le débat sur la taxe carbone avec la hausse du prix du pétrole. Ouais. Là, du coup, il y a eu énormément d'articles dans la presse hein, qui racontaient les salariés enfin, qui vont à la police et qui galèrent, etc. Mais du coup, c'est déconnecté parce que tu as soit un débat, c'est le prix de l'essence, donc c'est l'économique, on va dire, ou social d'un côté, quoi. Mais dans ces reportages-là, on ne parle pas de l'environnemental. Le meilleur manière de traiter un paradoxe, c'est de traiter chaque chose. Des termes différents. Chacun des termes. Exactement. Voilà. Indépendamment. Hein. Donc on est complètement là-dedans. Dans le même registre, il y a le paradoxe de la vie compacte aussi, après les côtés, les risques et les nuisances que ça implique, ouais. Les choses ensemble, Oui, tout à fait dans le paradoxe. Ben, disons que ce qui nous a en particulier intéressé, c'est de voir si on pouvait à la fois montrer les manques des outils de connaissance par rapport à cette question-là et en même temps proposer une façon de le traiter. Donc, et puis, de même du côté de l'action, à la fois dépasser le simple fait de dire il y a un paradoxe, il y en a un pensé, et en voyant là où éventuellement c'est pensé, est-ce que c'est quelque chose qui est en développement? Est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que c'est pas encore largement sous-pensé quand même? Et là, je passe la parole à Cécile. À ce stade. De toute façon, on va se mettre là, je pense. Je viens de découvrir qu'il y a un puits de chaleur là qui C'est après l'îlot de chaleur urbain, c'est l'îlot de chaleur lié au bruit du projecteur. C'est pas ça. Peut-être qu'elle fait rémunérer. Je vais vous présenter effectivement mon travail de thèse. Donc là, je suis en troisième année. et j'ai pas fini. Et donc j'aurai une quatrième année qui sera en partie financée donc, par effectivement le programme Prédit, Glamour, et puis en partie par un contrat avec le Grand Lyon qui, j'ai eu de la chance, s'inscrit complètement dans le travail que je fais en matière de terrain. Donc je travaille effectivement sur comment est-ce que la dimension sociale de la mobilité est prise en compte dans les politiques urbaines. Et je suis effectivement partie de cette injonction contradictoire entre promouvoir le droit à la ville et à la mobilité, avec les dérives qu'il y a en termes d'injonction aussi à la mobilité, et la question de la réduction des mobilités individuelles, en particulier motorisées, dans un contexte de remise en cause, malgré tout, du service public de transport collectif, puisque d'une part, il y a quand même une crise financière des réseaux, qui est assez forte, et l'organisation en réseau des transports collectifs est confrontée à certaines limites, notamment du point de vue de la desserte dans des espaces à faible densité. Ces enjeux, ils ont trouvé une traduction législative, puisque le droit au transport a été inscrit dans la LOTI de 82. Il a ensuite été complété par la loi de lutte contre l'exclusion qui proposait en fait la mise en place d'une tarification sociale, et ensuite par la loi de solidarité et de renouvellement urbain de 2000, qui pour le coup a imposé une tarification sociale, puisqu'en fait, suite à la loi de lutte contre l'exclusion, il ne s'est rien passé, et qui suggérait également de favoriser la desserte en transport collectif des quartiers politiques de la ville dans les opérations de renouvellement urbain. Cette traduction législative de la dimension sociale, elle a complètement été... Elle n'a pas du tout été articulée, en fait, avec la mise à l'agenda des enjeux environnementaux, et notamment de réduction et de maîtrise de la place de la voiture. Donc la LOR de 96, qui reconnaissait le droit à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, et qui a relancé la planification sectorielle des déplacements urbains, en rendant obligatoire cette démarche, et qui a notamment... défini comme orientation première de réduire le trafic automobile. La loi SRU a complété en, finalement, en revenant sur cette idée de réduction, en disant par exemple plutôt de maîtrise de la circulation automobile, et en renouvelant notamment les outils de planification et en proposant de mieux articuler les politiques de déplacement, politiques d'habitat et de transport. Et puis la loi Grenelle 1 aussi 2008, que j'ai pas complètement regardée, mais qui a fixé aussi des objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui sont liés au transport, suite aussi au plan climat et d'autres choses plus antérieures. En tout cas, ça repose la question des inégalités socio-spatiales d'accès à la mobilité, la nouvelle prise en compte de ces enjeux environnementaux. Et autant si dans la recherche, il y a eu un assez important renouvellement des questions depuis les années 90, où c'était plutôt axé autour de déplacement et exclusion autour des quartiers politiques de la ville, et où aujourd'hui on arrive plutôt à des questions de capacité individuelle différenciée, effectivement, de mobilité, puisque être mobile, ça suppose des accès à des territoires qui ne sont pas les mêmes pour tous, et des compétences qui sont liées aux individus, qui sont effectivement non plus pas les mêmes pour tous. Donc ça engendre des inégalités assez fortes, qui sont assez peu prises en compte, a priori, dans les politiques de déplacement, dont on sait qu'elles sont plutôt davantage orientées vers l'enjeu environnemental. Et donc, moi je me suis posé la question au départ de quelle était cette impensée, en fait, et comment les politiques aujourd'hui interrogent ou pas la conciliation de ces enjeux au sein des territoires métropolitains. Puisque dans la littérature, il y avait un certain nombre d'auteurs qui montraient que globalement les politiques de transport étaient plutôt sur des dépendances aux sentiers, des routines, etc. De l'autre, certains auteurs qui montraient que les politiques d'insertion notamment développaient des choses, mais on ne savait pas trop comment c'était territorialisé tout ça au niveau métropolitain, et comment l'ensemble de ces démarches en fait étaient mises en œuvre. Donc les premières hypothèses de départ avec lesquels je suis partie du coup et qui sont vraiment issus du travail de la plateforme, c'est de qualifier un peu cette impensée dans les politiques de déplacement et de voir si malgré tout il n'y avait pas des choses qui se passaient dans les politiques de déplacement et d'aller voir du côté de ces politiques innovantes comment elles prenaient en compte ces enjeux un peu orphelins. Donc là j'ai essayé de reconstruire mon cadre théorique et les implications méthodologiques pour donner un peu de corps à tout ça. Et en fait, il y a deux modalités de conciliation possibles des enjeux dans l'action publique urbaine. Donc là, je me suis référée aux travaux de Florence Poyac qui interrogeait la cohérence dans les plans de déplacement urbain et les possibilités de mise en cohérence de l'action publique urbaine. Après, il y a d'autres auteurs comme Jean-Marc Hoffner aussi qui ont posé un peu les mêmes idées, en fait, où d'une part, on peut avoir soit une cohérence interne qui renvoie à l'architecture et au contenu d'une seule politique. Donc Jean-Marc Hoffner parle de intégrer. Et donc, du point de vue de l'analyse et de la démarche méthodologique, ensuite de mise en œuvre de la recherche, ça impose une analyse plutôt du contenu des politiques de déplacement urbain et substantielle. Et la cohérence externe qui, elle, renvoie à la coordination entre plusieurs secteurs d'action publique, qui renvoie du coup plutôt à l'analyse processuelle des politiques qui sont en charge des mobilités. Cette dimension processuelle étant assez peu éclairée aujourd'hui par les recherches, ça m'intéressait particulièrement. Donc le terrain que j'ai choisi, c'est l'agglomération lyonnaise, puisque ça rencontre à la fois donc c'est un pouvoir d'agglomération qui est structuré depuis longtemps, c'est un réseau qui est particulièrement développé en province, c'est un des premiers réseaux, il a une assez bonne reconnaissance dans le milieu professionnel. Et puis ça rend compte aussi de la multiplication des acteurs aujourd'hui dans le champ de plus en plus vaste des politiques de mobilité, puisqu'on a les acteurs des déplacements, stationnement, voirie, de manière assez classique avec des modes de plus en plus individualisés aussi comme le vélo libre-service ou l'autopartage, mais aussi les acteurs des politiques temporelles qui développent des plans de déplacement inter-entreprises et pas du tout de manière anecdotique, et les acteurs des politiques de l'insertion et de l'emploi qui développent eux aussi leurs dispositifs. Donc c'était un terrain tout trouvé, à portée de main, c'était parfait. Mais j'ai choisi en fait du coup quatre études de cas qui prennent en compte spécifiquement la dimension sociale pour interroger cette dimension de la substance, de comment l'enjeu social est pris en compte, avec les politiques de déplacement et notamment la politique tarifaire sociale du Citral, qui est assez innovante en France, puisque c'est un des premiers réseaux de transport collectif à avoir mis en place la loi SRU, justement, qui impose une tarification sociale d'au moins 50% pour les personnes qui ont des ressources qui sont assez faibles et qui correspondent en fait au statut de la couverture maladie universelle complémentaire qui a été mis en place par la loi de lutte contre l'exclusion. Le projet de tramway T4 pour Minguette, que je n'ai pas encore étudié, qui interroge en fait la manière dont dans un projet de transport collectif en site propre, on a pris en compte le fait qu'on allait desservir un quartier politique de la ville avec des pratiques de mobilité qui sont spécifiques. Il y a un grand nombre de travaux qui ont été réalisés sur les pratiques de mobilité des habitants des quartiers politiques de la ville. Donc comment est-ce que cette demande sociale particulière est prise en compte ou pas, et les nouvelles politiques urbaines. Pardon ? Pas. Et des nouvelles politiques urbaines de mobilité avec des dispositifs de mobilité à destination des publics en insertion. Donc là, je ne rentre pas par... on parle toujours des acteurs de l'insertion, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. À chaque fois, c'est des partenariats entre... qui va des communes à l'Europe et qui passe par les acteurs de l'insertion, mais des politiques locales, les acteurs de l'emploi politique nationale, les acteurs de la politique de la ville, que ce soit commune, intercommunalité, État. Enfin, donc, y a un grand nombre d'acteurs qui sont le Conseil général aussi au titre de l'insertion, le Conseil régional. Donc il y a un grand nombre d'acteurs qui sont mobilisés autour de ces questions. Et puis des outils de management de la mobilité pour les salariés et les entreprises, sont les plans de déplacement interentreprises qui sont effectivement portés par l'espace des temps, mais on retrouve aussi un dispositif partenarial avec donc, l'espace des temps, la région Rhône-Alpes au titre des modes doux, et puis l'ADEME, qui sont les trois principaux piliers de cette politique. Alors en fait, là je vous présente globalement ces trois politiques un peu plus en détail pour comprendre de quoi on parle. Donc les politiques de déplacement, les acteurs, ce sont donc les AOT et les acteurs de déplacement, elles visent essentiellement à agir sur l'offre de transport à travers un volontarisme public fort à la française et sur la répartition modale des déplacements à travers une régulation individuelle par le marché, notamment mettant en place des tarifs, par exemple des politiques sur le stationnement, voilà. qui concerne en fait en particulier les usagers de la voiture particulière, puisque l'objectif central c'est quand même d'opérer un report modal, et en particulier les centres urbains dans lesquels c'est là où c'est le plus facile de développer une mobilité alternative crédible à la voiture, tout en conciliant les objectifs de crise des financements des politiques de transport. Les politiques d'insertion, donc, elles sont portées effectivement par un ensemble d'acteurs qui est assez variable en fonction des dispositifs, et elles visent clairement à agir sur les déterminants sociaux de la mobilité qui contraignent les individus, notamment pour l'accès à l'emploi, à travers des politiques qui sont de discrimination positive assez classique. Elles visent une cible qui est très resserrée, à savoir les publics en insertion et ou issus des quartiers politiques de la ville, puisque chaque acteur a ses cibles ensuite en fonction des financeurs. Et les politiques temporelles, elles, ont plus vocation à... Enfin, se sont plus fixées comme objectif d'agir à la source de la mobilité, donc sur les conditions générales de mobilité des salariés, en fait, en offrant différents types de dispositifs, que ce soit pour favoriser aussi une mobilité plus soutenable, mais... ça peut être de l'optimisation de l'offre de transport, mais ça peut passer aussi par l'installation de douches dans les entreprises pour faciliter l'utilisation du vélo. Ça peut aussi être réserver des places sur les parkings d'entreprises pour ceux qui covoiturent, pour favoriser le covoiturage des salariés. Donc c'est tout un ensemble de mesures qui relèvent plutôt du soft et qui visent vraiment à prendre en compte l'ensemble des conditions de mobilité des salariés. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un partenariat, la modalité d'intervention, c'est le partenariat public-privé, puisque à chaque fois c'est une association d'entreprises d'une zone d'activité qui va faire bien souvent la demande à la puissance publique et notamment à l'espace des temps de mettre en place une démarche de PDIE, et c'est financé essentiellement, bien souvent 50-50 par les entreprises et par le partenariat espace des temps ADEME région, notamment dans la phase de mise en œuvre, qui est là où ça est censé mobiliser le plus de financement. Une des particularités, c'est que c'est essentiellement des mesures incitatives et persuasives. Donc ça, c'est une des particularités fortes. C'est-à-dire que ça va passer aussi par des animations au sein des entreprises, avec des méthodes qui sont issues du management, pour inciter les entreprises, les salariés, à se déplacer autrement. Et donc ça concerne les entreprises et les salariés de ces zones d'activité, qui sont aussi bien souvent mal desservis par les transports collectifs qui, faute de trouver un écho à leurs revendications auprès du Citral, finalement se sont tournés vers les acteurs des politiques temporelles. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de la manière dont j'ai procédé en termes de collecte de données et d'analyse de ces données, en fait, pour les trois terrains pour l'instant que j'ai quasiment fini de balayer, à l'exception des PDIE. Donc la tarification sociale, en fait, à chaque fois, c'était essentiellement des entretiens semi-directifs avec une approche pour comprendre la construction de ces politiques, que ce soit pour comprendre la construction de la politique tarifaire, pourquoi le CITRAL, à un moment donné, a choisi d'investir cette question-là et comment ça s'est passé, la construction des dispositifs aussi de mobilité à destination des personnes d'insertion, ou encore la modalité de construction des PDIE. Et ensuite, un deuxième volet, notamment auprès des acteurs de la mise en œuvre de ces politiques, qui sont des acteurs essentiels à la déclinaison, à la fois auprès des publics et des territoires, puisque c'est des politiques qui sont très ciblées. Et donc à chaque fois, comprendre comment ces politiques atteignent les publics, que ce soit pour la tarification sociale qui concerne des personnes aux ressources modestes, que ce soit les dispositifs à destination des publics en insertion qui ne sont pas accessibles au tout public en fait, puisque la personne en insertion doit passer par son référent qui est au sein d'une mission locale, de Pôle emploi ou d'une association en charge de l'insertion, qui va lui prescrire un dispositif d'aide à la mobilité, mais qui pourrait très bien lui prescrire aussi une formation pour la langue française. Donc il y a différents types de leviers sur lesquels les référents peuvent agir, et notamment la mobilité. Sachant que ces aides sont très fortement limitées, donc comment on choisit à qui on va prescrire ce dispositif-là. Et puis des observations aussi au sein des comités de suivi et de mise en œuvre de ces dispositifs d'action, puisque c'est des dispositifs qui ont été très peu étudiés, notamment les dispositifs de mobilité pour les publics en insertion, et puis aussi les PDIE qui sont vraiment très récents. Ça c'était une des particularités de la recherche, c'est que j'ai pu assister bien souvent à tous les comités de suivi et j'ai été intégrée par les acteurs à ces comités de suivi de manière régulière en fait, au titre de ma recherche. Et puis à chaque fois c'est complété par des documents, par l'analyse de documents administratifs qui viennent un peu recontextualiser l'ensemble. Donc premier résultat en termes de conciliation du coup interne des enjeux, est-ce que les politiques de déplacement prennent en compte ou pas ces enjeux, et c'est quoi l'impensée de ces politiques face à ce double enjeu contradictoire. Alors il y a un bon nombre d'auteurs qui ont montré qu'il y avait une faillite de la pensée des politiques de déplacement face à ces enjeux-là. Hoffner, qui a étudié notamment les PDU et les modalités de production des PDU, montre qu'il y a un déficit de problématisation au départ et qu'ensuite il y a les traductions de ces enjeux sont globalement assez limitées. Vincent Kaufmann aussi rejoint cette conclusion en montrant que en fait il y a une impuissance des politiques de déplacement et des acteurs à trouver des stratégies de conciliation, et donc ça passe par exemple par un compromis spatial où on va faire de la ville sans voiture au centre et puis on va laisser la part belle à la voiture en périphérie parce que de toute façon on ne sait pas comment faire. Alors ça ne veut pas pour autant dire que ces acteurs-là, ils n'ont pas conscience des enjeux, mais c'est bien qu'ils ne savent pas comment s'en saisir, ils n'ont pas les outils. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'évolution des outils dont qu'ils avaient à leur disposition auparavant en matière de prise en compte des dimensions sociales. C'est ce que j'ai appelé la routinisation du droit au transport dans les politiques de déplacement, qui va du coup limiter la réactualisation de ces enjeux-là, puisque en fait, ils vont se limiter à une déclinaison du droit au transport tel qu'ils le font depuis et tel que ça a été présenté dans la LOTI de 1982, avec une tarification sociale, un volet social, et puis une desserte des quartiers défavorisés, qui est le volet territorial. Et globalement, ils ne bougent pas de ces deux volets-là. Donc forcément, il n'y a pas de. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Mais en tout cas, ils n'articulent pas ces enjeux-là au nouvel impératif environnemental. En revanche, ces enjeux sont effectivement adoptés par de nouvelles politiques urbaines, que ce soit les PDIE ou que ce soit les dispositifs pour les personnes en insertion. Donc les PDIE, en fait, comment concrètement c'est mis en œuvre? Donc à un moment donné, il y a une zone d'activité sur laquelle on va mettre en place un PDIE. Il y a d'abord une phase de diagnostic qui est effectivement réalisée bien souvent par des bureaux d'études qui sont plutôt sur le créneau environnemental à la base. Et c'est un diagnostic qui est assez intéressant puisque là, pour le coup, il y a un vrai renouvellement des connaissances de manière très fine et territorialisée, puisqu'en fait, c'est l'ensemble des salariés des entreprises concernées qui sont interrogés, ou en tout cas qu'on incite à participer à l'enquête. Donc là, c'est un flyer, par exemple, qui explique aux salariés qu'il va y avoir une enquête sur leur pratique de déplacement et que donc ils sont invités à participer à cette enquête. Ça passe aussi par un diagnostic territorial des conditions d'accessibilité de la zone et par des groupes aussi de travail avec des usagers pour aussi prendre un peu la température des pratiques des usagers. Et par exemple, s'il y a un bus qui passe 5 minutes après le moment où ils vont prendre leur poste, ben, peut-être qu'est-ce qu'on ne peut pas le décaler 5 minutes avant. Et ensuite, il y a un plan d'action qui est défini en partenariat avec les entreprises qui vont quand même financer à moitié les actions et qui est défini à l'échelle de la zone d'activité. Donc il y a différents types de dispositifs. Globalement, à chaque fois, c'est des centrales de covoiturage, optimiser l'offre de transport en partenariat avec l'AOT, des dispositifs pour faciliter l'usage du deux-roues, etc. Mais on retrouve quand même, malgré tout, assez souvent les... Alors, ce qui est intéressant, c'est que autant les plans de déplacement inter-entreprise sont présentés comme des outils qui permettent d'avoir une mobilité plus durable et qui est alternative à la voiture, autant finalement les PDIE répondent aussi au fait que les transports collectifs ne soient pas adaptés à la desserte de ces lieux spécifiques en fait. Et donc ça répond aussi aux limites du modèle en réseau du service public de transport urbain tel qu'il est organisé aujourd'hui. Et puis ça répond aussi à la prise en compte d'enjeux d'accès, notamment à ces zones économiques périphériques, bien souvent, notamment aussi pour des emplois peu qualifiés, puisque il y a aussi des zones, par exemple, qui sont comme la zone Lyon-Sud-Est, qui est une grosse zone logistique, où ils ont eu, avant la crise, des problèmes pour faire venir la main-d'œuvre et pour vraiment recruter, puisque c'est des horaires décalés, enfin... Ouais. Les aides à la mobilité à destination des publics en insertion, au départ, elles étaient essentiellement centrées sur la question de l'offre de transport qui n'était pas adaptée. Ils ont commencé à développer du transport à la demande, notamment justement pour les personnes qui réalisent des services à la personne dans des bassins résidentiels, par exemple dans l'ouest lyonnais ou dans le sud-est de l'agglomération. Puis ensuite, ils ont développé des dispositifs assez souples de location de scooters ou de location de voitures à bas prix pour se rendre sur sur le lieu de travail. Et ils se sont aussi rendus compte que ce n'était pas seulement une question d'offre de transport, mais que la mobilité, c'était beaucoup plus complexe que ça, en fait, et qu'il y avait aussi des questions de compétences des individus pour se déplacer. Et donc ils développent aussi des aides au permis de conduire, des auto-écoles sociales qui ont la particularité de prendre en compte les difficultés d'apprentissage des personnes et puis aussi le fait qu'ils ne peuvent pas suivre forcément une formation sur la longue durée avec la même assiduité qu'une personne lambda. Des formations aussi à la conduite du vélo, puisqu'ils se rendent compte que, notamment dans les quartiers, il y a un grand nombre de personnes qui ne savent pas faire du vélo. Enfin voilà, des choses comme ça. Alors, c'est des dispositifs qui sont bien sûr innovants, puisqu'ils viennent répondre au creux de l'action publique des politiques de transport, mais qui sont quand même relativement limités. Pour vous donner quelques chiffres, en 2009, ça a concerné 600 personnes sur l'agglomération lyonnaise, ces dispositifs tout confondus. ils sont limités à la fois du fait des conditions de ciblage qui sont très très restreints, à la fois sur des personnes en insertion professionnelle qui sont dans des cases administratives, mais aussi à la fois dans les quartiers CUX, donc c'est la géographie prioritaire. Et puis aussi du fait des conditions de mise en œuvre, là qui est lié à la question du référent de parcours, qui va prescrire aux personnes, puisque bien souvent, en fait, il n'y a pas une grande lisibilité de ces offres à l'échelle de l'agglomération, donc tous les référents ne sont pas au courant, d'autant plus qu'il y a un très fort turnover des référents au sein des structures, et que ces offres sont elles-mêmes mouvantes, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, parfois les référents aussi ne vont pas prescrire l'offre parce qu'en fait, ils ne savent pas si ça va être reconduit d'une année sur l'autre, parce qu'on ne sait pas si on va avoir les financements puisque c'est des subventions associatives annuelles. Et puis, enfin, il y a le fait que les référents ne prennent pas toujours en compte la question de la mobilité comme une question essentielle dans les parcours d'insertion, ce qui est un fait. Et aussi le fait que les ces offres-là sont quand même conçues de manière assez fonctionnaliste où bon, bah, les gens n'ont pas le permis, alors on va les mettre sur des scooters, puisqu'a priori ils peuvent conduire un scooter, sauf que le scooter, tout le monde n'a pas envie d'aller, de conduire ce mode de déplacement pour aller au travail. Donc ça renvoie aussi à la question des représentations, des valeurs qui sont liées à la mobilité. Ça, c'était pour... donc, quand on interroge comment on concilie les enjeux, on voit qu'on a des acteurs qui sont les petits transports qui, a priori, ne concilient pas vraiment les enjeux. Puis, de l'autre côté, on a des acteurs un peu innovants qui se saisissent de ces enjeux. Pour ce qui est de la question de la coordination et de la conciliation externe de ces enjeux, du coup, je me suis interrogée, finalement, à l'échelle de l'agglomération, on a des acteurs qui développent plein de choses, mais ces acteurs-là aussi, à certains moments, se rencontrent. Et qu'est-ce qui se passe? À l'échelle intercommunale, il ne se passe pas grand-chose. On a plutôt une sectorisation, d'une part des politiques de déplacement, des politiques d'insertion et des politiques temporelles. Malgré tout, il y a quand même... Alors ça, c'est un peu mon retour sur terrain, où maintenant, il va falloir que je le démontre. Il y aurait certainement des lieux de médiation qui favorisent l'acculturation et l'apprentissage des acteurs, enfin de l'ensemble de ces acteurs, alors effectivement avec des différenciations à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que, notamment à travers le débat public qui était à l'origine de la révision du plan de déplacement urbain de 2005, il y a eu un élargissement des politiques tarifaires sociales, qui n'est pas le seul fait du Chitral, mais qui, puisque le débat public en fait a permis d'ouvrir la question des transports aux acteurs des politiques sociales, aux acteurs de l'insertion, aux associations, et qui ont, grâce à l'injonction législative, qui ont obligé en quelque sorte le Citral à inscrire l'élargissement de la politique tarifaire à l'agenda politique. Donc ces lieux-là, en tout cas, favorisent le fait déjà que ces acteurs se rencontrent, qu'ils apprennent à savoir qu'est-ce que c'est qu'une politique sociale aussi, et à l'inversement, qu'est-ce que c'est qu'une politique de transport, et qu'il y a des résultats concrets dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, les acteurs de l'insertion cherchent à faire cette même action de lobbying auprès des acteurs de déplacement, mais bon, c'est en cours, donc c'est quelque chose sur lequel je ne pourrais certainement pas... Autre modalité de conciliation des enjeux, là pour le coup c'est la territorialisation en fait, où là on aurait une possibilité de concilier ces enjeux mais de manière intégrée, notamment à travers les PDIE qui sont une approche territorialisée et individualisée de prise en compte de la demande sur des territoires spécifiques, avec des nouveaux outils de diagnostic et de mise en œuvre qui du coup sont assez intéressants du point de vue de la prise en compte des enjeux à la fois environnementaux et des enjeux sociaux. La difficulté, c'est que ces innovations-là, elles sont mises en œuvre sur des territoires et elles ont des cibles qui sont par exemple, sur une zone d'activité, c'est uniquement les salariés des entreprises qui financent, qui vont pouvoir bénéficier des dispositifs PDIE. Donc ça pose le problème de comment on va intégrer ensuite les autres entreprises dans ces dispositifs d'action. Donc pour l'instant, en fait, on a une marqueterie de dispositifs innovants. Donc là, je vous ai mis deux cartes à l'échelle de l'agglomération, que ce soit pour les PDIE ou que ce soit pour les dispositifs de la mobilité. On voit certes qu'il y a des choses qui se développent, mais maintenant, comment on va pouvoir concilier ces enjeux-là dans une vraie politique d'agglomération à une échelle métropolitaine, en fait. Voilà. Du coup, quelle modalité de conciliation des enjeux? Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des acteurs extérieurs au champ des transports qui saisissent un moment d'enjeu et qui vont essayer de chercher à mobiliser les acteurs de transport sur les dispositifs innovants qui ont été mis en place à travers donc, ces nouveaux lieux de médiation et à travers la territorialisation de l'action publique. De la manière dont les... Enfin, c'est du point de vue des innovations qui sont proposées vraiment en termes d'offres de transport, les politiques d'insertion, elles vont utiliser des outils classiques des transports, que ce soit le vélo, le scooter, qui sont des modes de déplacement, et qui vont adapter par des innovations organisationnelles, leur usage et leur possibilité d'usage pour des personnalisations. Par exemple, la location de voiture, en fait, c'est une location de voiture à bas prix, ce qui veut dire qu'il y a une partie du coût qui est pris en charge par la puissance publique et à hauteur de 75% et 25% qui reste à l'usager. Donc ça fait une voiture au bout du compte à 5 euros par jour. C'est en ça que... Enfin, pour moi, ce terme-là rendait compte de l'adaptation d'une offre à un public spécifique du fait de ressources modestes ou du fait de difficultés cognitives ou du fait d'un ensemble de caractéristiques du public, en fait. Alors que l'optimisation, ça va être... En fait, la transformation de l'offre au départ est assez faible puisque les lignes de bus, elles sont déjà là. Et en fait, ils vont juste modifier éventuellement le trajet, et encore si c'est possible, ou juste l'horaire, en l'adaptant à 5 ou 10 minutes près. Et c'est en ça que je dissociais vraiment, enfin, c'est en ça que j'avais ces deux termes-là, en fait. Je vais compléter ma question. En quoi, par exemple, cette discrimination entre les deux termes, elle pourrait se rapprocher d'une autre discrimination qui est très fréquente dans la rhétorique du réaction que toi, je me dis, en fait, je comprends mieux si j'inverse, c'est-à-dire adapter l'offre de transport en fonction des déterminants sociaux de la mobilité, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parti pris quasi idéologique en disant, il y a, tu vois, la façon de penser l'action sociale en France, elle est la même, il y a des déterminants sociaux, des situations, voilà, et on adapte, voilà. Ouais, c'est la politique ça. Du handicap de Estelle Weber, tu sais, enfin de la politique de la République. Donc en inversant, ça marche un petit peu mieux. Et de même que optimiser l'offre de transport, si tu veux, pour en tenant compte finalement de l'ensemble de la mobilité, et pas seulement cette fois uniquement de handicap, à la question du handicap finalement. L'adaptation, ça renvoie au handicap social. Tandis que, effectivement, l'optimisation, il y a plus ces dimensions-là, et on est plus dans une logique managériale. Mais bon, c'est du comment, c'est important effectivement dans la question. À ce degré de précision. Juste, j'en profite parce que c'est un tableau sur lequel on travaille, avec Cécile depuis un peu de temps, et à chaque fois il y a des trucs qui vont pas, je pense qu'il ne sera jamais définitif. Je pense quand même que le volontarisme public fort et régulation individuelle par le marché, moi je rajouterais bien, même si c'est un peu lourd, dans le cas français, régulation individuelle partielle par le marché. Oui. Parce que c'est quand même pas le modèle anglais, pas le modèle de péage. D'autant plus que l'ensemble des. Enfin, tout le monde dit que les traductions sont quand même relativement limitées, en fait. Alors, moi, j'avais deux questions. J'ai une question plus sur des dispositifs, sur des contenus de potentiels, d'ailleurs, de ces politiques innovantes, prenant en compte éventuellement. Hier dans le journal une information à propos de l'appel d'offres Autolib à Paris, donc Autolib qui est le dispositif d'autopartage que de la Noé met en place avec des caractéristiques qui sont assez différentes de celles de Lyon, à la fois en termes de véhicules qui sont proposés qui vont être véhicules électriques, et d'autre part, à travers un point qui a beaucoup irrité les autolibistes lyonnais, c'était l'idée de faire en sorte que la voiture. Qu'on emprunte, on sera obligé de la remettre au même endroit. Alors, dans l'association en particulier Autopartage dont je fais partie, plusieurs de mes collègues, qui sont des gens du CERTU, disaient que c'était véritablement un énorme problème parce que, ce faisant, on risquait de concurrencer dans son concurrence avec les transports collectifs. Et donc, c'était contradictoire, et puis en plus, ça allait poser les mêmes problèmes. De beau doit résoudre avec les vélos, c'est-à-dire saturation de certains garages, vu qu'on devrait programmer à l'avance son trajet, on pourra donc programmer vers des moments qui sont. Et surtout, en écoutant, je me rends compte que éventuellement ce dispositif pourrait avoir un intérêt social beaucoup plus important que le dispositif lyonnais. Puisque, à supposer qu'on arrive à jouer sur les tarifs, pour l'instant on va les tarifs de Beauvau, hein. Mais si jamais on pouvait jouer sur ces tarifs-là, on pourrait du coup favoriser des mobilités fragmentées, partielles, vers les périphéries d'agglomération, d'une manière beaucoup plus plus souple que ce n'est le cas dans le cas lyonnais. Enfin, voilà, donc ça c'est la première réflexion en décrivant. Je rajoute juste un petit truc, sauf que les articles te racontent à propos de Vélib' libres et de Vélo' que Deco a fait une pression maximale pour qu'il y ait le moins possible de stations Vélo' dans les quartiers périphériques. Et d'ailleurs, ils vont en enlever aussi. Donc, oui, mais après, si Dieu, ça peut faire partie d'une politique publique de mise en place, au nom de cet impératif social, de mise en place de stations de ce type-là. Tu es conscient du fait qu'il faut des compétences sociales, culturelles et cognitives importantes pour être dans un système de partage, que l'allocation de véhicules potentiellement, c'est ce qu'ils sont en train de mettre à Paris, est potentiellement plus souple que ce que c'est vrai. Tout à fait. Alors, la deuxième remarque, c'est à propos de cet EPIE, donc moi je ne connaissais pas forcément très bien le mode de fonctionnement. Je me posais la question des motifs des entreprises pour entrer dans ce type Alors, c'est très variable. Ça dépend des territoires. Je sais que par exemple, sur le territoire Plateau Nord, où il y a eu un PDIE, qui est le premier PDIE qui a été mis en place, c'était des enjeux avant tout de congestion, en fait. Puisque pour monter sur le plateau, il y a assez peu de routes. Et du coup, les conditions d'accès aux entreprises n'étaient pas bonnes en voiture. Donc c'était cet enjeu-là qui était en partie mis en avant par les entreprises. Après, pour d'autres entreprises, c'est un peu plus... L'enjeu environnemental n'est jamais central. Ça, c'est déjà un premier point. Après, pour d'autres entreprises, c'est un peu plus ambigu. Oui, il y a le greenwashing quand même. Oui, il y a le greenwashing, mais ça dépend de quelles zones d'activité. Par exemple, dans le Valais de la Chimie, c'est clair qu'il y a cet enjeu d'image, notamment pour l'Institut français du pétrole, qui est une des premières entreprises qui soutient le dispositif à fond, etc. Ils sont en plus dans une démarche pilote d'Agenda 21 à l'échelle du Grand Lyon. Après, pour les autres entreprises, la question de l'image n'est pas forcément centrale. Enfin, c'est encore à étudier. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par des étudiants de l'IUL et de l'IUG là-dessus. Enfin, c'est une partie du travail que je n'ai pas fini de réaliser. Alors, on a l'enquête de PACO, puis elle a été reprise à certains endroits. Les motivations sont multiples quand même. Oui. Et en plus, il faut distinguer, il y a la question de la motivation, puis il y a la question du dispositif d'acteur. Ça repose beaucoup sur l'activité de l'association entreprise, la personnalisation de cette activité, le fait qu'il y ait des leaders d'opinion là-dedans. Il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'âge des dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire que très sceptique, la taille jouait. On a des choses, mais comme c'est pas reproductible d'une zone à l'autre, ce que fait aussi bien Paco que Grégory. Et même voilà. Dans les témoignages en fait, que j'ai pu avoir auprès de développeurs économiques qui sont implantés sur ces territoires-là, les motivations sont très variées en fait. Et l'implication des entreprises n'est pas la même. Parce que en fait, il y a une association d'entreprises qui est un peu qui représente un peu l'ensemble. Donc on ne sait pas dans quelle mesure, j'ai pas encore été enquêtée pour savoir dans quelle mesure au sein de ces associations, qui est mobilisé vraiment et comment c'est mis en œuvre réellement. Parce que pour l'instant, ça reste assez. Ça reste assez désincarné sur le territoire. Je ne sais pas du tout comment c'est vraiment décliné ou pas. Quoi. Auprès des salariés, alors oui, il y a une centrale de covoiturage qui est mise en place, il y a des animations, il y a des animateurs de mobilité, mais c'est assez dur, même pour les acteurs, d'évaluer leur action, puisqu'en fait, les salariés sont anonymes, ils ne veulent pas que l'entreprise sache s'ils sont impliqués là-dedans parce qu'il y a des enjeux de conventions autour du transport et de primes liées au transport, etc. Donc c'est un sujet qui est assez épineux du point de vue de l'évaluation de ce dispositif. Il y a aussi une évolution dynamique de motivation. Aussi, oui. Surtout que ces choses-là qui sont un peu nouvelles, que les entreprises redécouvrent, parce que finalement c'est redécouvrir le ramassage d'une manière. Oui. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'actuellement, il y a un PDE Florence sur le suivi, qui est celui de Roger Trucks, et qui est tout à fait étrange, parce que c'est un PDE d'une entreprise qui est en chômage technique quasi permanent, parce qu'en fait, c'est un problème de transport, puisque... et en fait, derrière l'histoire du PDE, il y a deux choses. Une première motivation qui est parvenue assez vite, qui est dans l'histoire de Roger Trucks, c'est toute une histoire liée aux conventions collectives, qui fait qu'il y a une obligation de ramassage ouvrier dans lequel les personnes qui montent, mais comme ils font tourner des bus, et les syndicats y tiennent, parce que c'est un avantage acquis, mais ça ne correspond plus à rien, donc on aimerait bien trouver une façon plus active, si tu veux de remplacer en gros, pour aller vite, c'est un peu une des choses. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils sont très vexés à Renault de s'être plantés, de n'avoir pas participé à d'avoir complètement raté la concertation de la ligne T4. Et de se rendre compte que finalement, s'ils avaient été un peu plus malins, ils auraient pu faire en sorte que la ligne de tramway soit bien plus intéressante pour eux qu'elle n'est là. Et en fait, ils sont un peu vexés, donc ils aimeraient acquérir des compétences transport probabilité, quoi. Donc tu vois, c'est toujours assez composé quand même. Ce qui est intéressant. Parce qu'effectivement, potentiellement, je ne sais pas si tu peux revenir sur la carte là, parce que bon, moi ça m'a frappé puisqu'on l'a sorti il n'y a pas très longtemps. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Potentiellement, c'est quand même, c'est à la grosse différence des trucs d'insertion et des 600 coups de pélos, c'est pareil, hein. Alors ça représente 400 entreprises et près de 20 000 salariés aujourd'hui. Ouais, voilà, donc voilà, là on est quand même dans une machine à trichelle, hein. Potentiellement. Si tu prends les entreprises, toutes les entreprises dans les secteurs où il y a un PDE. C'est ça qui que je vais déroger un peu, peut-être que vous parlez justement de, finalement, de l'effet territorial ou spatial de tous ces dispositifs. Hein. On voit qu'il y a des politiques qui se font, mais quand on parle, c'est dans le cadre de l'idée de l'accès à la ville, comment ça modifie la ville et quels sont les. Ben, je me demandais en effet si tu vois bien là les lieux, ça peut concerner beaucoup de monde, alors que des scooters que ouais, sans doute pas. Enfin, quels sont les impacts finalement sur la mobilité, l'accessibilité à la ville? Ben là c'est encore. Est-ce qu'on peut les spatialiser? Est-ce qu'on peut dire quelles zones sont bénéficient de ce type d'action ou pas? Bah, étant donné que c'est encore très expérimental et que ça vient juste d'être mis en œuvre, déjà comment c'est mis, enfin on ne sait déjà même pas comment ça s'est mis en œuvre en fait, donc c'est, enfin on n'est pas encore à cette question d'évaluer les effets territoriaux ou spatiaux en fait. Il y a une toute petite piste, mais je ne sais pas du tout si elle est si significative que ça, parce que là aussi il faudrait que tu aies un peu plus d'infos là-dessus, le CITRAM, en plus avec mon Kéolis, l'opérateur, donc le TCL, a proposé à Citral une réorganisation du réseau de surface qui n'avait jamais été faite. Il n'y avait jamais eu de plan stratégique d'autobus. Et dans le cadre de cette démarche, s'appelle l'autobus qui est en finalisé là maintenant, enfin qui se finalise, de façon certes relativement marginale, mais assez significative, les diagnostics du PDIE ont été repris par Kéolis pour justement, et quelque part, il y a l'amorce d'une conciliation, enfin d'une modalité de conciliation à l'hiver. Ouais, l'entretien dispositif. Une des questions qui peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui va sortir éventuellement du prochain appel d'offres d'adjudication du réseau lyonnais. Et qu'est-ce que les entreprises, parce que quand même on dit beaucoup que, ben bon, voilà, la rumeur veut que l'on veut que ça passe à Veolia. Mais il faudrait dans ce cas que Veolia offre des choses que Kéolis n'offre pas. Et qu'est-ce qu'il va offrir en plus ? Du transport à la demande à différencier ou du PD? Parce que je pense que les airs comme Kéolis, ils sont quand même très attentifs à ces trucs-là. Enfin, du point de vue des enjeux sociaux aussi, pour des publics particuliers, ils sont aussi, Kéolis, très attentifs à ça, du fait de l'enjeu de la prochaine DSP, en fait. Et du coup, ils sont en train de travailler avec les PIMS et avec les acteurs de l'insertion pour voir... comment mieux prendre en compte ces questions-là. Donc on voit que par l'opérateur, il y a probablement une possibilité de faire remonter ces questions-là. En fait. Concurrentiel, c'est ça, oui. Peut-être que ça peut faire la réconciliation. Tout à fait, oui. Et la DSP, d'une certaine manière, je ne suis pas vraiment fait pour ça, mais peut être un outil pas négligeable, parce que peu importe que finalement, on s'en est rendu compte un exposé qui n'était pas si terrible que ça, mais enfin qui était à Montréal. Au Canada, il n'y a pas de délégation de service public. En fait, les autorités organisatrices et les exploitants, c'est la même chose. Donc c'est tout en régie, si on veut, on va dire, de la manière, même si ça peut avoir une statut d'autonomie. En tout cas, c'est une entreprise publique. Et donc, il n'y a jamais de mise en concurrence. Et globalement, il n'y a quasiment pas l'innovation. C'est pas ça, quoi. Hein. L'innovation est complètement ailleurs, c'est l'autopartage sur une entreprise, les vélos en libre service, c'est stationnement Montréal, donc en général c'est aussi une régie publique, enfin donc c'est l'opérateur du stationnement en voirie. Le fait que ce soit en régie n'empêche pas l'innovation, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon. Surtout pour un réseau comme celui-là, parce que c'est la couronne. de Chiolis, c'est le joyau de la couronne de Chiolis. Même en termes de connaissances, le Chiolis à l'échelle nationale a travaillé sur l'évolution des mobilités et a travaillé sur le fait que la disparition de l'heure de pointe, des heures de pointe, sur les enjeux cognitifs aussi, pour avec des comment la problématique de la immobilité pour des illettrés, des choses comme ça, dont ils ont commencé à se saisir du point de vue de la connaissance aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, alors c'est pas ton terrain, mais cette question de la mobilité virtuelle, de tout ce qui est lié aux dispositifs techniques, du type téléphone mobile, support de multiples possibilités de transport. Hein, les applications, c'est comme l'application de l'iPhone, on peut dire application, payer son stationnement, application, machin, etc. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui entre en jeu, l'innovation technologique de ce type-là. Mais parce que c'est encore assez peu des jeux aussi. Il y a plein de produits, il y a plein d'applications, par exemple, qui sont sur l'optimisation. Là, par exemple, il y a des applications sur le métro pour savoir combien de mode d'installer dans la rame pour économiser les 10 mètres qui font que tu vas trouver des allées de ta correspondance. Hein. C'est comme ça. Là où il y a le savoir les escaliers, les ascenseurs. Oui, tu as tous les SMS que maintenant t'envoies la SNCF pour dire qu'on est en retard. C'est qu'il y a une commune, l'espace détente travaille là-dessus avec une commune de périphérique, qui est la commune de Charlie en fait, qui veut réhabiliter un vieux bâtiment pour en faire un centre de télétravail. Donc après, les salariés disent bah oui, mais en fait, visiblement ça n'a pas l'air de bien prendre, parce que les salariés veulent soit travailler chez eux, soit travailler au travail, mais pas dans un. Non. Bah, c'est une idée qui a été beaucoup développée, parce que pour dire, comme il y a un fort télétravail, c'est un manque de sociabilité, il faut faire des centres intermédiaires de télétravail, où chacun vient avec son travail, mais peut parler avec son voisin. En fait, ça marche pas très très bien dans le jeu aussi. Ouais, plus ou moins. Et le télétravail des pauvres, qui était finalement le travail, c'était la soirée lyonnaise. Hein, oui, je pense que c'est un des choses, parce que... Dans l'économie clandestine, il a énormément travaillé à domicile, dans sachets des sachets de cocaïne, des trucs comme ça, mais c'est pas encore dans des politiques publiques. Puis après, il y a une volonté de contrôle de la main-d'œuvre aussi. Puis c'est souvent des travaux de service maintenant, peut-être la personne est à voyage et des travaux qui sont conservés, qui ne peuvent pas complètement pas se faire sur place. Je sais pas pourquoi tu as besoin de quatrième année là, tu peux écrire. Oui. Cet été là, tu peux finir. Bah il manque quelques entretiens. Ouais. Et puis t'es 4. Je sais pas. Non, j'en ai 5 ans à peu près. Ouais. Ben, la question, mais cette question qu'on... T4, c'est un truc qu'on n'a rien entendu il n'y a pas longtemps. Parce qu'on s'est dit, c'est une question juste de stratégie de thèse en disant, s'il n'y a pas une étude de 4 sur de l'offre de transport des tramways, on va l'approcher. Surtout sur la desserte des quartiers petits de la ville. Et puis c'est vrai que ça c'est bien, c'était parfaitement logique. Parce qu'il y avait le volet social et le volet territorial. Et le volet territorial, il manque en fait. Donc après, T4, ça peut se faire rapidement. Hein. C'est une dizaine d'entretiens maximum. Il y a un petit truc qu'il y a découvert, parce qu'on a... Bon, le travail ne sera pas forcément pas beaucoup exploitable pour Cécile, mais bon, elle a dû un Indonésien qui travaille sur la question de l'enclavement à propos de T4. Hein. En gros, normalement, il devrait arriver à formuler, mais c'est surtout pour apprendre comment ça marche. C'était quoi les objectifs de désenclavement vus du point de vue de politique de transport? C'est quoi les objectifs de désenclavement vus du point de vue du GPV? Et montrer qu'à travers les T4, on voit bien qu'il y a des objectifs de désenclavement très transport qui étaient pris en compte, pas tellement des objectifs de désenclavement socio-économique, d'insertion. Et donc, un des entretiens qu'il a eu a révélé qu'en particulier, un des effets pervers de l'arrivée de T4, c'est l'évasion scolaire. Déjà que c'était pas terrible, mais là, ça devient massif, quoi. Avec l'assouplissement de la carte scolaire d'un côté et le fait qu'il y ait une offre de transport, une offre de transport assez sécurisée, sécure, voilà. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant, parce que du coup, l'effet... C'était d'ailleurs le sujet de mémoire de maîtrise de Paul Bonneau. L'évasion scolaire? Oui, c'était sur les politiques de transport, donc la mise en place des lignes scolaires par le CICRAD, qui s'est mis en place dans les années 90, et le fait que ces lignes qui desservaient différemment le public et le privé, en fait, permettait notamment une forte évasion fiscale, notamment de Bois-en-Velin, que j'avais étudié, vers les établissements privés. Voilà. Mais ce qui est fou aussi pour T4, c'est qu'ils n'ont pas du tout anticipé le Citral avec les acteurs, les relais sociaux de terrain, l'arrivée d'une nouvelle ligne de tramway et la manière dont ça allait bouleverser les pratiques. Des habitants en fait. Et le volet communication a été assez sous-estimé de ce point de vue-là. Et il y a des acteurs de terrain qui ont complètement été oubliés, alors même que c'est des partenaires de Keolis. Donc. Ouais. Mais je pense que Lyon est parti en mauvais, enfin Citral est parti en mauvais, je crois. Parce que je pense que dans d'autres villes, ça s'est passé de façon plus intelligente. Bon. Je trouve que c'est bien d'avoir la cohérence du terrain. Ouais. Après, du coup, ça pose la question de... Enfin, moi, je me pose la question de... Parce qu'on voit que dans d'autres villes, les acteurs du transport sont quand même bien plus présents. Et c'est quand même une des particularités de la OT lyonnaise. Ils brillent quand même par leur absence. Alors que dans d'autres agglomérations, par exemple, il y a des plateformes mobilité-emploi qui ont été mises en place avec l'appel d'offres de la DIV. Et à chaque fois, les AOT sont présentes. Et c'est quand même la seule agglo où c'est pas le cas. Et même à Grenoble, il y a carrément un partenariat entre le SMTC et le CCAS. Oui, mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça donne un design. Ça donne un design institutionnel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de capacités d'innovation et d'innovation sectorielle. On voit bien que... Et du coup, par contre, il y a ce qu'on appelle la conciliation externe. Alors même qu'on a un gouvernement d'agglomération, enfin, une structure intercommunale, mais du fait que Citral n'est pas dans le Grand Lyon, toutes ces histoires-là, font qu'au moins, le rôle institutionnel de conciliation, comme on dit, il n'y est pas. Quoi. Donc c'est quand même intéressant, parce que c'est un peu contre-intuitif aussi, parce qu'on peut se dire Grand Lyon, grande conciliation. En fait, Même entre les acteurs des PDIE, parce que donc, en fait c'est le Grand Lyon qui porte tout ça en fait. Et les acteurs des PDIE et les acteurs de l'insertion, ils ont mis longtemps avant de se parler, avant de savoir ce que les uns et les autres faisaient, en fait. Et les acteurs de terrain, notamment, ne sont pas au courant qu'il y a des centrales de covoiturage qui sont mises en place, qui pourraient peut-être bénéficier aux salariés qui vont faire de l'intérim ou des choses comme ça et qui n'ont pas forcément de voiture. Enfin, c'est quand même assez cloisonné, alors que c'est la même institution. Ouais. C'est autre chose qu'on a entendu. Comment tu articules tout ça avec la notion des demandes durables? Est-ce qu'il est présent dans ton travail ou pas? Non, il n'est pas présent. Parce que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'élément social qu'on ne traite jamais, enfin, qui est peut-être lié, enfin, c'est vrai que dans la laxe et tout ça, il y a quelque chose à faire autour de ces enjeux où en effet on demande tout sur social et qui est donc partie aussi à. C'est un peu la question qu'on me pose à chaque fois et que pour l'instant je. Enfin, ça serait une des modalités peut-être de traduction de développement durable. Enfin. Cette idée d'accorder les droits privés, je sais pas. Ben, en tout cas, il y a la question, c'est l'hypothèse qui était de dire. En fait, il faut mettre à jour les contradictions pour pouvoir les dépasser. C'est pas mal. Dire que ça sert de l'élection dialectique, quoi. Notre idéologique, la dialectique marxiste. Sauf que c'est plus la dialectique, mais la trialectique. Dans toutes les études de cas, c'est quand même sur les PDIE que ça touche le plus, notamment parce que les PDIE sont subventionnés par l'ADEME au titre de l'environnement et que. Et la réduction des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, c'est ça la politique PDIE-PDIE. Et l'ADEME y tient beaucoup. Parce que eux-mêmes sont évalués là-dessus, ouais, et ils ont eux-mêmes des comptes à rendre. C'est ça, et que les PDIE rentrent dans les moins de 1%. Donc en fait, on est vraiment complètement dedans de ce point de vue-là. C'est territorialisé, donc on est dans le développement urbain durable. Et en même temps, c'est des enjeux socio-économiques fondamentalement qui apparaissent comme les enjeux essentiels de cette affaire-là. C'est améliorer le fonctionnement économique d'entreprise quand même. Les entreprises y vont parce qu'elles y gagnent compétitivité, là, cette affaire-là. Indirectement, directement, peu importe. Et ils en gagnent en essayant de résoudre un problème social, qui est celui de la mobilité de leurs employés. Et puis c'est vendu comme ça aussi sur la réduction du stress, la réduction des accidents aussi, donc potentiellement des réductions par rapport à la CRAM. Et puis aussi une amélioration de la productivité, puisque si les salariés se déplacent mieux, bah, ils travaillent mieux. Il y a ce passement autour de la notion d'efficience, c'est qu'on est plus efficient dans la façon dont on assimile les gens vers le travail, donc c'est à la fois économiquement, environnementalement, c'est intéressant pour les années. C'est-à-dire que ce que ça révèle en tout cas, c'est que finalement, c'est un petit bout de développement durable, ces affaires-là, effectivement, mais à condition de ne pas tout. De ne pas hiérarchiser les enjeux, puisqu'en fait, ils sont complètement hiérarchisés de façon différente sur les territoires. C'était ça le truc. Or, l'ADEME, dans son mode d'évaluation pour l'instant, il a tout ramené à l'environnement. À l'environnement et en même vraiment au carbone. Et à la tonne carbone économisée. Ouais. Donc, c'est là, la contradiction, elle est là en fait. Après, les acteurs de terrain, eux, qui ont bien saisi que ce n'était pas le seul enjeu de leur démarche PDIE, sont en train de réfléchir avec les entreprises à comment on peut évaluer et comment créer leur propre outil d'évaluation, en fait. Parce que l'outil de l'ADEME, qui est en plus une usine à gaz, que les acteurs de terrain ont eu beaucoup de mal à saisir, et d'ailleurs, ils ne veulent pas s'en saisir, et du coup, ils réfléchissent à mettre en place leur propre outil. D'ailleurs, l'outil de l'ADEME, il nie toutes les organisations, c'est ça qui est assez intéressant. Et Grenoble, qui a fait ses évaluations un petit peu plus tôt, enfin les PDE, en gros, il n'y avait rien de communicable sauf un chiffre, et donc il ne communique que sur un chiffre, on a économisé grâce aux démarches PDE, parce que c'est plutôt PDE que PDE, c'est entreprise par entreprise, 23 km de voiture d'autoroute. Enfin, 23 km de. Voilà. Non, pas total. Voilà, on a enlevé 23 km de voitures sur les autoroutes. Grâce au PDIE sur plusieurs années, quoi. C'est le seul chiffre qui sont capables de sortir. c'est super parlant, le produit territorial, hein, c'est impressionnant. Donc c'est vrai que là, de ce point de vue-là, c'est pas du tout... Donc là, il y a tout un champ d'évaluation qui est à construire, en fait. Mais ceci, il faut témoigner que dans le domaine de l'insertion aussi, il y a tout un champ d'évaluation qui est à construire. Parce que t'as pas dit que t'es... Oui, en fait, j'ai pas expliqué mon implication par rapport au Grand Lyon. En fait, il se trouve que j'ai été intégrée dans les comités de suivi en tant qu'observateur. Et quand ils ont répondu à l'appel d'offre de la DIV, en fait, je les ai aidés aussi dans la réponse, formulation des enjeux et tout ça, parce qu'ils avaient un peu de mal à sortir de l'insertion et à dire qu'il y avait d'autres acteurs aussi sur le conseil en mobilité par exemple ils connaissent assez mal en fait ce que les acteurs du transport et les acteurs des politiques temporelles et la mobilité de manière assez générale c'est pas leur point d'entrée et ensuite du coup il s'est trouvé qu'ils voulaient pas dépenser 60 000 euros pour confier une étude à un bureau d'études qui n'y connaissait rien et que moi ça m'intéressait de faire une étude préalable à la constitution de la plateforme puisque ça me permettait aussi d'avoir accès à des terrains de manière plus légitime et pour poser aussi des questions que j'avais envie de résoudre, notamment sur la question de c'est quoi les modalités de la prescription de ce type de dispositif-là en fait. Et puisqu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait autour de la prescription quand même un nœud, et donc on s'est entendu sur... Avec Florence qui m'a offert un appui scientifique et méthodologique pour leur proposer une étude en fait. Et donc c'était assez fantastique parce que en fait ils étaient très ouverts sur la commande et sur ce qu'on a pu leur apporter en fait. Et c'est un matériau que du coup je vais pouvoir entièrement utiliser pour ma thèse. Donc ça s'est vraiment plutôt pas mal goupillé. Voilà. Je réponds un petit peu en retard aussi à ce que tu as dit. Il y a une question qui, à mon avis, je pose de manière un peu plus globale sur ces problèmes. C'est moi qui sonne. Voilà, vous pouvez arrêter. C'est la question des deux voies vers la mobilité durable. Des deux voies vers la mobilité durable. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a deux paradigmes parallèles. Sur comment agir la ressource de la mobilité pour réduire ou pour moduler ou pour réguler cette mobilité. En fait, il y a bien quand même globalement une sorte de nouveau paradigme global qui consiste à dire c'est plus par des solutions purement techniques qu'on va s'en sortir, mais en agissant à la source, sauf que tu as d'un côté la planification urbaine, on va dire, l'agir collectif, c'est-à-dire la densité, les écoquartiers, etc. C'est-à-dire agir à long terme, mais de façon quasi définitive, en quelque sorte, mais avec des résultats dont on peut attendre que des retombées à long terme, et en agissant sur la dimension collective de la ville. Hein. Et au contraire, le management de la mobilité, donc gestion individualisée, adaptée à chaque personne, à chaque situation, qui vise évidemment beaucoup moins à des effets à long terme, beaucoup plus à des effets à court terme, avec des mesures persuasives essentiellement. Et alors, à certains endroits, ça se rencontre, mais pour l'instant, on a peu deux univers, c'est-à-dire du mobility management, très très développé dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, Pays-Bas, etc. Et puis tu as la voie éco-quartier, quoi, d'une certaine manière, celle qui intègre la mobilité, enfin, ville combat, ville dans. Il y a un exemple intéressant sur lequel travaille Eman, qui est un exemple en Suisse, mais il est assez unique, mais assez passionnant, dans lequel, à travers un permis de construire pour un centre commercial, la municipalité, Vaux-le-Canton, je ne sais pas qui est-ce qui a délivré le permis de construire, dans le cadre de son plan d'urbanisme, qui est un plan d'urbanisme, donc c'est à Zurich, donc le plan d'urbanisme zurichois, évidemment depuis longtemps, avec une routine très forte sur la réduction de la mobilité, notamment dans le de la ville, a introduit à la fois des éléments, on va dire, de type structurel, foncier, immobilier, c'est-à-dire limitation des places de stationnement, etc. Et en même temps, signé un contrat avec l'opérateur centre commercial, qui mettent en place du mobility management. Et chaque année, il y a une convention qui... Ils ont déjà des objectifs à atteindre chaque année. Et si tu veux, alors, évidemment, on ne va pas revenir sur le permis de construire. Enfin, mais il a des pénalités. S'il ne tient pas, tant de pourcentage, marche à pied, ceci, de cela, du truc, enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans le... Donc là, c'est des exemples où tu as les deux. Le mobility management, par l'intermédiaire de ce contrat, une sorte de délégation de service public de la réduction de la mobilité automobile à un opérateur centre commercial. En fait, c'est quand même assez étrange. C'est qu'il est responsable de la mobilité qu'il induit. On responsabilise. Et en même temps, il y a une négociation si on est tous permis de construire. Mais les deux ont été intégrés. Ça, c'est assez passionnant quand même. Hein, c'est à rapprocher de ce qui s'est fait, mais qui, à mon avis, est plus sommaire autour des Autofrei en Allemagne, c'est-à-dire le fait que les habitants doivent s'engager à signer par contrat qui n'ont pas d'automobile, auquel cas, effectivement, ils ne sont pas obligés d'acheter la place automobile à 14 000 euros. C'est un peu différent, quoi. Il y a deux, trois exemples où tu as des associations des deux. Mais pour l'instant, tu as quand même, grosso modo, d'agir collectif sur la forme urbaine, la densité, la mixité fonctionnelle. Et puis le mobility management, c'est un peu deux planètes qui sont assez peu communicantes. Donc c'est assez difficile, si tu veux, de rapprocher la transformation de la ville, si tu veux, du mobility management, quoi. Et d'ailleurs, quand on dit mobility management, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que qui est-ce qui mène ça? Qui est-ce qui mène les expertises? Enfin, clairement, il n'y a pas d'urbanisme là-dedans. Ça va depuis des économistes, du management, de la gestion, des psychologues ou des psychosociologues, du comportement. Donc c'est des gens qui investissent beaucoup là-dedans, mais il n'y a pas d'urbanisme. Il y a un site qui est vraiment intéressant pour savoir tout ce qui se fait en matière de multi-management, pour en avoir une vision, qui s'appelle IPOM. P-O-2-L. C'est le site du mobility management en Europe. Et là, vous avez toute la documentation. Ouais. C'est vachement bien fait, il y a plein de... Avec des fiches qui présentent des actions en particulier. Ouais. C'est assez intéressant. Une partie du travail, le correspondant à IPOM France, c'était Bruno Felversi. Et donc, Eman a bossé, en fait, en premier temps de sa thèse, sur le programme MAX, qui est un programme d'outils d'évaluation de ménagement de mobilité. Donc on a quand même là, et puis de façon un petit peu durable, puisqu'on a quand même deux doctorants, un programme sur deux ans, enfin on a quelque chose où je suis encore partie prenante, qui peut avoir pas mal de conjonctions. Moi je pense que ce serait intéressant à un moment donné de se poser la question, justement de la question que tu as posée tout à l'heure. Parce qu'on commence à avoir quand même des travaux, notamment d'ateliers, qui tournent autour de la question de la vie passante, de la vie ceci, de la vie cela, qui sont autour d'un autre usage de l'espace public. Il y a l'atelier que j'ai fait cette année qui marche quand même très bien sur santé, mobilité, donc ce qui a compris les enjeux de santé. Là aussi, c'est une idée de développer des politiques de management de la mobilité pour atteindre des objectifs de santé publique, donc de promotion, non seulement pour la santé de la marche, enfin des modes actifs, on n'est plus mode tout maintenant, tu vois, des modes actifs. Parce que c'est pas nous, c'est actif. Permettre qu'on peut visiter, etc. Mais avec une série d'autres qui vont rejoindre des réinterpréter des politiques de type quartier vert, zone à faible circulation, etc. Réaménagement d'espace public sous l'angle de la santé. Donc il y a quand même, et avec quand même des éléments paradigmatiques qui sont finalement assez proches hein, des choses dont on parle là. Donc ça a encore des acteurs, j'allais dire, la politique de mobilité de demain, peut-être que ça va être la santé publique. Et là, pour le coup, peut-être avec des effets relativement importants, parce que la santé publique, à un moment donné, quand tu me diras l'insertion par l'emploi, c'est censé devenir aussi, mais... Gouvernement de droite particulier préfère jouer sur les accidents de voiture que sur le chômage. C'est vrai. Bah, c'est aussi parce que le monde de l'insertion, il est quand même très mal en point aujourd'hui par rapport à la réduction des finances publiques. Enfin, là, avec il y a une baisse des fonds européens avec l'entrée des nouveaux pays européens. Puisqu'en fait, bien souvent, ils sont financés à 50% par le FSE. Ils ont des baisses de FSE, ils ont des baisses de fonds politiques de la ville avec la réforme des CUX. Enfin, et puis, puis l'évolution des politiques de l'emploi aussi, de manière générale, qui va vers une activation et une contractualisation avec la personne pour la mettre dans une démarche active et non plus pour rompre avec l'université des prestations sociales. Oui, c'est-à-dire que le monde de cette nouvelle politique, qui n'est pas nouvelle en fait, non. Est en crise. Et en crise, et il est traversé par une remise en cause du rôle de l'État-providence et par une transformation des modalités d'intervention de l'État par rapport à... Donc il y a un contexte derrière qui est un peu surplombant, qui permet de comprendre pourquoi finalement ça en reste uniquement à ça. Parce que l'ensemble des acteurs de terrain, à chaque fois, ils disent nous, on a besoin d'avoir des permis de conduire, en fait. Parce que les gens, ils n'ont pas le permis. Et c'est ça qui manque pour les jeunes aujourd'hui. Parce que le permis à 1 euro, c'est bien, mais c'est uniquement pour les gens qui ont des cautions bancaires derrière, en fait. Et donc, il y a plein de jeunes qui, aujourd'hui, la question du permis, elle se pose vraiment, en fait. Et c'est ce qui coûte le plus cher, donc c'est ce qui est le moins financé. Donc, puis en plus après, alors là c'est intéressant en termes de conciliation des enjeux, parce que financer le permis et financer de la voiture, après ils se font taper sur les doigts par l'État qui leur dit oui mais c'est polluant. Ouais. Donc du coup ils essayent de développer des parades de manière un peu des fois, ça en devient, ça a plus de sens en fait, où ils vont dire on va mettre du vélo électrique. Enfin, mais qui va prendre un vélo électrique pour aller au travail alors que les routes ne sont pas forcément adaptées, enfin, voilà. Que derrière, il y a les conditions de stockage aussi, de comment on recharge les batteries, enfin, voilà. Oui, mais en fait, on est une contradiction à l'autre, quoi, en fait. Oui, c'est ça. On marche souvent avec les mots. C'est un peu mystique. Ce côté-là, c'est assez classique. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour vous exposer. C'est très, très instructif, et les deux aussi un moment. Bien que déjà, j'ai que déjà lire des pratiques d'alternative. Absolument, tu vois, je vois ça, ça déchire. Disposé à venir de nous présenter son travail. interdit ça, ben moi je suis au fond là, au tout, tout début d'une réflexion autour de ça. Je ne vais pas, je ne suis pas dans un moudre, on a, mais en même temps, plus ou moins associé à un PEPS là, qui, bon, pour lequel on a toujours pas le résultat, et on ne sait pas si on va être pris ou pas, et voilà. Et donc, ça, alors ça peut être intéressant de développer un peu les principes de base, mais ça sera forcément pas au niveau d'intérêt que. Mais en même temps, moi j'ai trouvé, parce qu'avec le projet, quand on parlait, c'était un peu le fil sur cet apprentissage de développer, bon, ben, comment ça, on est quelque peu au même niveau en quelque sorte. Enfin, c'était une idée de recherche sur laquelle j'avais travaillé peu avec Laurent Ménès, on avait une idée derrière l'autre. Et c'est vrai aussi que de façon, c'est une point de vue, ça a permis aussi d'affiner la réponse à l'appel d'offres. Enfin, donc c'était vraiment au début, là, on n'avait vraiment pas de. Pas du tout dans le même type de notion qui existe. Et justement, moi j'ai trouvé intéressant dans ce type de séminaire qui a l'occasion de faire un peu les deux et justement de corriger le fait qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ce que tu dis, qui veulent bien en parler et qui peuvent aussi aider à mettre en place. Ben, parce que c'est quelque chose qui, justement, si on veut créer une émulation, je ne sais pas, pour qu'il y ait les deux, je pense aussi qu'on parle parfois ensemble sur des nouveaux projets. Et c'est ça aussi qui donnera forme à l'axe. Donc justement, ça m'intéresse très bien que dire au moment où j'ai ces idées-là autour des contradictions, mais vraiment après, je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Et qu'on parle de ça, quoi. Enfin, donc, je pense que justement, oui, c'est le lieu qui c'est nécessairement pas la même forme. Donc, dire que c'est le type. Là, quand même, on est dans les couples, donc on est d'autres, on réagit parfois, c'est tout ça. Alors que dans une démarche exploratoire, on va livrer nos doutes, on va livrer nous-mêmes. Évidemment, on n'est pas dans le même dialogue. Je disais, tu vois, c'est simplement ça que je voulais dire. Ouais. Bon, déjà, moi, je trouve que je vais mettre deux résultats. Premier résultat, je me sens capable, Aurélie, de vous dire peut-être parce que j'ai fait quelques séances, je crois. Donc, c'est peut-être une qui m'a manqué. Non, c'est juste les quatre. En tout cas, merci d'avoir fait forcément les quatre. Déjà, chacun d'entre nous, si on le demande au niveau du GNR d'ailleurs, etc., sur quoi on travaille, et là, on peut dire, voilà, on va aller là-dessus, et dire trois mots. Ce qui n'était pas forcément le cas, il y a encore un ou deux. Bon. Donc ça, c'est tout bête, mais en fait, c'est déjà pas mal. Bon, moi, ce qui me frappe quand même, de tout ce que j'ai entendu, donc j'ai entendu toi, Laurence, donc Roloff, puis nous aujourd'hui, J'étais bien là, mais j'étais parfaitement sur ce sur quoi je. Oui, non, j'étais pas là, exactement, j'étais pas là. Non, ce qui me frappe quand même, c'est que la recherche de qualité. Enfin, moi, je commence à sortir un peu du truc, je commence à comparer, je commence à voir. C'est quand même tout ça, c'est de la recherche assez bon niveau quand même, hein, vraiment même de très bon niveau. Donc, moi, je le prends comme un résultat, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Quand même assez solide, quoi. Il n'y a pas de problème à avoir. Après, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir discuter des projets de avance. Je trouve que c'est vachement important, même avant parfois qu'on comprenne vraiment un truc, même encore plus en amont de se dire j'ai trois idées, etc. Et les réactions des uns des autres aussi permettent de savoir si finalement il y en a qu'on peut remarquer ou pas. On n'arrivera de toute façon jamais, enfin moi c'est ma conviction personnelle, dans un institut d'urbanisme, à faire travailler tout le monde ensemble au même moment sur la même chose, parce que c'est structurellement impossible, compte tenu du fait qu'on est structurellement tous spécialistes de choses différentes pour pouvoir apporter ça à l'enseignement. Moi c'est basique. Mais par contre, on peut quand même avoir cet exercice de mise en commun en soi. Il n'y a pas tellement de. Je ne suis pas sûr que ça existe tant que ça. Enfin, comme beaucoup de dispositifs de recherche sont maintenant à des niveaux beaucoup plus globaux, ça se pratique assez peu. Je peux dire très simplement que là où je vais, je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne sait sur qui on travaille autre. C'est assez typique des instituts d'urbanisme. Hein. À une ou deux exceptions près, genre Brest, où ils couchent tous ensemble, enfin, je veux dire, ils sont tellement. Inceste avec le père qui domine tout, tout le monde sait sur quoi il travaille. Bon, l'image est un peu forcée, on va dire que c'est des équipes comme ça, complètement soudées, mais autrement, partout. discuté, mais voilà, on n'en parle même pas. Mais en fait, tu vois, vraiment, l'interconnaissance, c'est déjà un objectif en soi qui me permet. Mais alors, justement, cette remarque conduit à une question prospective sur. Mettons qu'on maintienne le principe de quelques interventions comme ça dans l'année, dans les quatre, on peut dire que l'année prochaine, dans les quatre ou cinq, ça dépend un petit peu de l'avancement, par exemple, de votre recherche, ou de l'avancement de la mienne, ou de nouveaux doctorants, ou éventuellement de ce qui de l'aide dans le bain. Enfin, bon. La question est de savoir, est-ce que on souhaite élargir un tout petit peu le cercle vers des personnes qui ne sont pas de l'Ouest, mais qui par contre sont au sein de notre MR ou éventuellement juste à côté potentiellement intéressés par les mêmes thématiques et par exemple cette espèce de côté des contradictions du développement durable. Est-ce que vous, donc les participants, vous souhaitez qu'on fasse des démarches pour mettre ça en place? Moi je pense qu'il faudrait les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde un entre nous. Pour le chantier. Le chantier, tous entre nous, parce qu'on ne dit pas la même chose s'il y a. Pour le chantier, il faut que ça reste entre nous. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est pour ce qui est. Alors, je prends l'exemple de la plateforme, on va dire, effectivement, il faut que la thèse de Cécile est finie, le programme est fini, quoi, puis les résultats, ils sont là, etc. Ça aurait peut-être le coup de donner une surface au niveau du MR, sur la valorisation, en fait. Ouais. Oui. Ouais. En même temps, en fonction du sujet, ça peut quand même être intéressant de. Enfin, c'est un peu délicat après, qui c'est que tu invites pour quel truc. Mais il n'y aura pas des gens dans le milieu, sans doute, qui peuvent être intéressés pour tel ou tel sujet, qui peuvent intervenir en parlant de la mais si on parle de. Donc, moi, ça ne viendrait pas qu'il y ait d'autres personnes en même temps, il faut que je pense que ça reste un petit groupe, un petit peu de force de séminaire, je pense que c'est quand même énormément plus compliqué, on se connaît assez bien et on parle de. Tout au début du séminaire au démarrage, c'était finalement, on est un peu critiqué aujourd'hui, mais enfin, c'était aussi intégrer Laurence. Qu'elle sache ce qu'elle fait et qu'elle sache ce qu'on fait. Ça peut continuer, parce qu'on n'a pas une mission si longue. Bien sûr. Non, je pense qu'il y a potentiellement, en fait, il y en a plein de gens qui font plein d'autres choses, il y en a qui font des choses qui ne sont pas forcément très loin. J'aurais pas forcément envie de... Nous, on peut faire un affichage un peu plus ouvert, quitte même parfois à spécifier les personnes si on trouve que le sujet là. Mais donc sans vouloir lui donner nécessairement une coloration inter-UMR. Non, enfin, je pense que c'est un peu le séminaire de l'axe. Ouais. Donc, la pense est-ce qu'on peut valoriser mieux le résultat du séminaire, c'est-à-dire parmi ceux qui travaillent ça, mais on peut le faire. Donc jusqu'à présent, on était assez sur l'idée que bon, les très intermédiaires, etc. C'est pour ça qu'on n'avait pas voulu opérer. Rien n'est plus facile que de dire, de mettre un lien sur la tête de l'UMR, un QRSS, et même ça serait publié. Sur le site de l'UMR, une sur l'accès où on met certaines choses qui passent ici. En tout cas, moi, je peux te filer la présentation aujourd'hui. Ce qui était ce qu'on a fait deux trois fois, c'est de Laurence l'a fait par exemple la dernière fois, c'est qu'elle a fait une communication à Brest qui était un pas en avant de ce qu'elle avait présenté. Je l'ai mis aussi, que moi ce que je peux très facilement dessus au début, c'est des PowerPoint, mais on peut aussi afficher des textes, hein, si vous avez l'idéal, à mon avis, est de mettre les textes dans HAL et de faire des liens à partir de HAL, mais c'est très facile à faire. Il y a des textes qu'on pourrait mettre, mais sans les mettre forcément dans HAL, mais par contre, il ne faut pas se prendre le sous-cache, j'en sais, mais... En fait, les réponses aux appels d'offres ont été... La réponse à Glasgow d'un côté, la réponse à... Mais donc, du coup, c'est quand même plutôt... C'est pas quelque chose... Je ne sais pas quelle version j'ai, parce qu'il y a eu plusieurs... Je crois pas. Si, parce que... Parce que j'ai récupéré tous les documents de la plateforme, en fait. Et tous les documents de la plateforme, il y a forcément... doit faire son site d'employeur, par exemple. Je vais voir, je pense qu'il y a des possibilités de mettre des... ce qui est de texte, je trouve que ça ne posera pas de problème dans la question. Voilà, pour dire, je demanderai d'ailleurs à Rick Gilbert, pour aller sur le site de l'UMR, avec un lien à partir de tout le blog que j'ai. Ton blog est référencé là, sur ce milieu-là ou pas encore? Celui-là, là, non, jusqu'à présent, je ne l'ai pas référencé, non, mais je peux très certainement le référencer, d'abord le mettre sur le site de l'UMR, et deuxièmement, il n'est pas référencé par les autres recherches, j'ai levé l'option. Si vous le voulez, on peut le l'ouvrir. Hein. Est-ce qu'il a un nom? Enfin, je veux dire, son nom, c'est... Il s'appelle... VSIUR. Qu'est-ce qu'il vous donne? Moi, je suis sur dans la mesure où c'est qu'il soit mis en ligne, finalement, des choses qui sont des résultats, qu'on dirait pas ce qui n'est pas tout, c'est tout ça, je pense que c'est bien de... C'est bien de décider, parce que parfois aussi, quand on a des idées, qui sont je pense aux présentations que j'ai faites, c'était arrivé sur le blog, et très bien, en même temps, c'est des idées... Non, mais bon, le principe d'un blog, c'est que c'est du marketing de la base, parce que j'ai aussi la question, c'est ce que tu voudrais pas, que tu puisses être appliqué, c'est ça? Non, ça je pense pas, de ce soit, parce que... L'idée plutôt, est-ce que l'apportement, si on s'affiche, du coup, c'est peut-être pas toujours des choses avec lesquelles on... Oui, parce que c'est document de travail, quoi. Voilà, quand les gens sont vivants, on va voir ce qui se fait à nous. D'un autre côté, il m'a bien conscient que même si c'est moins jamais à Google, c'est... Ça, c'est un bon titre, une assuration publique, parce que quand on décide de prendre... C'est le titre de l'axe et tout, donc... À mon avis, ça, le fait que je sois disponible sur Internet ne veut pas dire qu'on va avoir des clients. Donc, je regarde, je suis après un moyen de leur statistique, mais je ne pense pas du tout que vous êtes plutôt sur les termes. Voilà. Si vous voulez vraiment lui donner une visibilité, vous allez aller sur un truc genre hypothèse.org ou toujours plus. Pas la visibilité, mais par contre, que ce soit dans une visibilité, dans une mère. Dans une mère, on peut très bien. À partir notamment des deux séances, la dernière fois, la première fois où il y avait des débats très riches, aujourd'hui c'était plus, on va dire, réaction à un chat. Voilà, alors j'ai effectivement plus avancé, même s'il y a des points que j'ai notés. Et puis donc, oui, on réfléchira à la voyez-moi dans le